Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents si nombreux. On va commencer avec un peu de retard, désolé, évidemment. Ce n'est pas drôle si on n'a pas des petits problèmes techniques au dernier moment. C'est ce qui se passe juste maintenant. Donc, vous voyez, on a changé d'ordinateur, j'avais mon ordinateur. Et heureusement, on a des techniciens de pair. Et incroyable, Fika, merci infiniment de me sauver la vie comme ça et de sauver la rencontre. On a commencé avec, vous l'avez tous reconnu, la chanson de Kaguya. Il y a des moments qui sont, je vais baisser malheureusement, il y a des moments donnés qui sont toujours assez émouvants et assez touchants. Je sais que j'ai déjà fait 20 fois, mais je remercie vraiment Mohamed Beyoud, le FICAM, de faire autant confiance. Et quand je dis des moments émouvants, c'est qu'évidemment quand on a la chance d'être conférencier, le jour des conférences, voilà, on est content, mais forcément quand on a la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un de l'importance de M. Takahata, forcément on est à la fois ému et très touché de pouvoir le faire. Cette conférence, on va la faire en une petite heure, on va dire, de mon côté. Et après, évidemment, je sais que vous avez plein de questions, je vous laisserai votre côté lui poser des questions. Quand on a une œuvre comme celle de M. Takahata, on se dit qu'il nous faudrait plusieurs heures, évidemment, pour pouvoir parler de tout ça, ce qui n'est pas possible. Et déjà, c'est déjà assez exceptionnel qu'il a accepté. Je le remercie, évidemment, on va le remercier tous de nous faire l'honneur et le plaisir de venir parler comme ça pendant une bonne heure et demie avec nous, alors qu'il a déjà beaucoup partagé. Donc l'idée, c'est qu'on va plonger dans des thèmes qui, moi, m'intéressent. En tout cas, j'aimerais lui parler. Donc on va parler pendant une première partie. Une deuxième partie va être sur la plongée dans son œuvre à lui. Et donc voilà, et je vais arrêter de parler pour la présentation et je vais vous demander évidemment d'accueillir Monsieur Isao Takahata. Et bien sûr, il a déjà été remercié, mais c'est vrai que c'est toujours bien de remercier toujours les gens comme ça qui se battent pour l'animation depuis des années. Merci beaucoup à Ilan, bien sûr, d'être là et de nous faire ce plaisir. Alors, je vais essayer, comme c'est pas mon ordinateur, de mettre ça en place. Ça n'a pas été évident parce qu'en fait, j'aurais aimé montrer des choses aussi à M. Takahata et je vois que la télé m'invite ce côté-là, donc je vais peut-être essayer de vous le voyez en direct, de lui montrer directement sur l'ordinateur. J'aimerais commencer avec une question qui pour moi est importante. Je vais montrer deux, trois petites images de films. Vous reconnaîtrez tous, évidemment, pour certains d'entre vous, les images de Uri Norstein, son film « Le hérisson dans le brouillard ». Alors, ça va être très frustrant, j'ai juste montré quelques images. Hein. Mais j'espère qu'une grande partie d'entre vous connaissez, évidemment, ce film. Et je vais montrer aussi, bien sûr, « L'homme qui plantait des arbres » de Frédéric Bach. Donc, grand réalisateur. Moi, j'aurais voulu savoir, comme première question, je vais être sur le format. Est-ce que le format du court-métrage, où il y a beaucoup de liberté, aurait quelque chose qui aurait pu attirer M. Takahata? Ou alors est-ce que non, c'était vraiment le long-métrage qui m'intéressait? なかったんですか。なかったわけじゃないですね。東映動画っていう会社がそれをちょこっと作りかけたりもしたんだけど、僕の順番になる前に終わってしまったんで。でも池田さんとかね、そうそう、だからあれの続きだったら僕も作ったかもしれない。でも作らないままになって、あとは長編で、その、しかも我々が始めたらすぐに始めたっていうかな。 前にテレビアニメーションが始まって、それで、その、一遍長編を作るのをやめるんですね。で、また、東映動画は長編を作るんだけど、まあ、どっちにしても、短編といえば、その後はもう日本では、教育映画畑の人以外は、みんな、テレビ、用のアニメーションしか、なかったんです。すみません、バッドなミクロ、シーラン、サマーシャスラプスサンプル。あ、じゃあ、もう短編でしか、勝負しないですね。 Merci. Alors, bonjour à tous. Moi, j'aurais été intéressé pour faire des courts-métrages, également pour réaliser des des films d'animation de court-métrage. Moi, je suis entré dans un studio qui s'appelait Toei Animation. Plus fort, s'il vous plaît, on t'entend pas. Je suis entré dans un studio qui s'appelait Toei Animation. Et c'est un studio qui a produit un petit peu des courts-métrages à l'époque, à ses tout débuts. Et donc, certains jeunes metteurs en scène de l'époque ont pu réaliser un ou deux courts-métrages. Mais en fait, cette production de courts-métrages s'est arrêtée avant que mon tour n'arrive. Cette production de court-métrage s'est un peu tarie au sein de l'animation avant que mon tour n'arrive de réaliser un cours. Donc, moi, j'aurais bien voulu faire ça, ça m'aurait intéressé de m'y frotter, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Et donc, à l'époque aussi, dans mon cours de ces mêmes années, donc Toei était complètement concentré sur le long métrage. Très vite, la production télévisée aussi a commencé. Donc, lorsque la production télévisée a commencé, elle est venue aussi un peu bouleverser le jeu, l'équilibre. Ce qui fait que donc, moi j'ai commencé à travailler avec un certain nombre de gens sur un long métrage. La production de long métrage par la suite s'est interrompue momentanément à Toei avant de reprendre, etc. Donc voilà, on s'est éloigné assez nettement du format court. C'est uniquement les gens qui étaient dans le domaine éducatif, par exemple à Toei, qui pouvaient travailler sur des formats courts. Et souvent, parfois d'ailleurs, des courts métrages d'animation pour la télévision. Parce que je sais que c'est quelque chose, c'est un format quand même qui lui, en tant que cinéphile, oui, l'intéresse. Il a écrit évidemment sur Frédéric Bach. Qu'est-ce que lui trouve d'intéressant justement dans ce format plus court du court-métrage? その短い間にきちんとその全部を自分が受け取れるものが好きですね。なんていうか短編だとこうなんていうかもっと大きなものをそのギュッと凝縮すると言えば聞こえがいいけれど、でも実際にはそのいろんな説明不足になってしまうようなものが結構あるんで見てて、でそういうのはあんまり好きじゃない。 じゃあやっぱり短い時間だからその小さな規模のものをこうまとめる。 小さい規模は小さいけどでもその語ってることは大きいってことはあり得ると思うんですよね。 これはなんか役者だけが。Écoutez, moi ce qui me plaît dans le format court, je suis pas sûr d'enregistrer après tout ça parce que c'est la durée du film, la durée brève, et au cours de cette durée brève, c'est de parvenir effectivement à faire passer quelque chose d'un ensemble, c'est-à-dire construire un ensemble qui est sa cohérence et qui forme un tout. Un court-métrage qui forme un tout, c'est-à-dire non pas quelque chose qui vise peut-être au-delà de sa durée peut faire des films qui sont très courts, pas uniquement inscrits sur des petites échelles mais qui posent des grandes questions, mais beaucoup de court-métrages souvent ont une ambition qui consiste justement à suggérer des choses beaucoup plus grandes, en échelle, comme ça, sans forcément aller au bout de ces éléments. Moi, j'aime les courts-métrages qui assument et qui construisent effectivement un tout cohérent, quelque chose qui forme un ensemble, qui n'est pas très long, mais qui a sa valeur propre, son équilibre. Alors, à ma connaissance, il s'est lancé au moins... Ah, il y avait pas autre chose, non, il y avait au moins une chose dans laquelle il s'est lancé, c'est dans Jour d'hiver, il y a un petit court-métrage, je vais vous le montrer parce qu'il fait une minute. Donc voilà. それは。 Est-ce que tu peux nous en parler un peu? J'avoue que j'avais été surpris, on attendait tous évidemment le segment. Et là, quand j'ai vu que c'était lui qui avait réalisé ce segment-là. Kokoro machi ni shite omotte tanesukedomo, kore wa Tahara-san ga tsukutta mono to. So desu ne. 実際参加してくれたのは一人じゃないけど、まあ田辺さんと山さんと一緒に、あの、かぐや姫の物語を一緒にやった男です。 L'animateur principal sur cette très petite séquence, il n'est pas absolument tout seul, il y a encore quelqu'un, mais c'est Tanabe, Tanabe Osamu, donc qui a joué son rôle central sur, sur la princesse Kaguya. で冬の日っていうのをこう説明するともう本当に長くなって大変なんですよ。そのということは、俳句っていうものはひょっとしてご存知かどうか分かりませんけど、あの非常に短い、おそらく世界で一番短い、あの詩の形式です。で、それをこう何て言うかな、あの、まあ、それをじゃない、ないんだけど、あの短歌の形になるんだけど、まあ、でも、まあ、とにかくそれをこう36とこうつなげていくんですね。でその一つを一人が一句を読むと、その次にそれに、あのそれをですね そのまま続けるんじゃなくて、そこから感じたもので、続けるんです。なんていうのかな、あのそこからインスピレーションを受けて次へ続けていく。でそれをこう4人ぐらいが多いですけど、4人ぐらいでこう繰り返しこうやっていくんですね。で、全体を読むとそれが一つの、まあ、長い詩のようにも読めるっていう、そういう形式があるんです。まずその説明をしなきゃいけない。 Pour parler de jour d'hiver, ce projet collectif, il faudra un temps relativement long, donc je ne sais pas combien d'entre vous connaissent un petit peu cette poésie japonaise qu'on appelle le haïku, forme brève, sans doute une des formes les plus brèves du monde en termes de poésie, hein, puisque ça tient en quelques syllabes. Il y a une forme collective de cette poésie qu'on appelle le haïku, donc qui est où on met bout à bout 36 versets de haïku, et c'est quelque chose qu'on pratique à quelques-uns, 4 ou 5, etc. Donc un premier intervenant compose un premier poème, son voisin, le suivant, donc lui va s'inspirer de ce poème-là, de cette ligne, pour proposer à son tour une ligne, et puis on se passe le relais comme ça, on tourne, et on crée comme ça 36 versets qui forment un ensemble, et qu'on peut lire comme un tout, un poème collectif, un poème à plusieurs mains, composé donc chacun de plusieurs versets de chaque participant. De son outil, son fouille de l'huile, c'est un bajot, 日本で最も有名でもあるだけじゃなくて優れてるという、世界的に見ても優れた詩人じゃないかと思うんですけど、あのその人を中心にしてやったものなんです、その冬の日というのは。 はい。donc le jour d'hiver c'est un projet donc qui est parti donc de ce d'un de ces poèmes que j'ai appelé jour d'hiver, donc du Abasho, donc c'est un des non seulement un des plus connus mais un des plus grands poètes japonais dans ce domaine par exemple, et peut-être un des poètes aussi enfin, remarquables au niveau mondial. Donc lui et le groupe de ses disciples ont composé différents donc, cycles comme ça, poétiques collectifs, dont donc jour d'hiver. Mais それをあの一個ずつをですね、あの、ほとんどダブらずに、まあちょっとダブった人だけど、その36人じゃなくて34人かなぐらいの人数でその分担してやろうというのを、川本喜八郎というその日本で有名だった、亡くなりましたけど、その人形作家でもあるし、人形アニメーションの作家が、あの、みんなに提案して、で始まったんですね。 Et donc, l'idée, ça a été tout ce projet collectif de répartir les différents versets, et que presque sans superposition, sans que personne ne fasse deux versets, il n'y avait eu personne qui a fait ça, mais donc 34 ou 35 auteurs ou réalisateurs d'animation ont chacun reçu un verset à adapter à l'animation, donc là aussi comme tour de relais. Et celui qui a eu l'idée de ce projet, c'est Kawamoto Sachiro. Donc Kawamoto, c'est un des grands réalisateurs de l'animation de marionnettes du Japon, un des grands aussi artistes dans le domaine de la marionnette par ailleurs. Il est décédé il y a quelques années, mais c'est lui qui a eu l'idée de ce projet, qui l'a coordonné, qui a choisi les différents intervenants, qui leur a proposé de prendre part à ce projet. で、僕はそれを聞いて、そのなんていうか参加しないかって呼びかけられたんだけど、どうかしてるって感じだったんですね。要するに、あの即興であるんですよ。その今言った詩を作るのは即興で作っていくんだけど、それをアニメーションに一人が一個ずつ作っていくってことは、すでにできたものを作るわけですからね。あの、こんなものがうまくいくかどうかっていうことに対しては大変疑問がありましたけど、しかしそれをやろうという志、まあ、なんかは、はあの面白いと思ってですね、協力することにしたんですね。 Donc il m'a proposé moi aussi de dire pourquoi tu veux participer. Moi, j'ai dit c'est quand même drôlement bizarre cette histoire. L'idée c'est que donc on est dans une forme de poésie qui est très très spontanée, qui voilà, qui où les enchaînements, les virages d'un participant à l'autre sont très très vifs. mais qui est déjà accompli, qui existe, qui a pris forme, et vouloir essayer maintenant de porter ça en animation. J'étais très sceptique sur le résultat, ce qui était possible d'atteindre dans ce projet, mais l'idée, l'ambition derrière cette tentative semblait en tout cas elle séduisante, et donc j'ai décidé de l'aider. その教育の第一が、その僕がやった教育の第一っていうのは、難しいんですよ。その日本人にとっても難しいよ。もう何を歌ってるのかよくわからないんで、それをその、解説してる本やなんかをこうちょっといくつか集めて、それでみんなに分かるように、その僕自身がその現代語訳をして日本語ので、それをまあみんなに配ったんですね。 Pour vous dire de quelle manière je l'ai aidé, pour commencer, la première fois que j'ai pris ce coup de main, ça a été les textes sont écrits donc dans un japonais qui est un japonais classique. C'est la langue de l'époque, qui est même pas évidente pour le japonais d'aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai commencé par réunir un certain nombre de publications, d'études sur le sujet, de réunir de l'information et de traduire par mes soins en langue contemporaine japonaise ces poèmes pour les commenter et les expliquer aussi à l'ensemble des gens qui allaient être amenés à travailler sur là où l'autre s'est versé. ちょっと途中カットしても長くなりすぎて、はい、ただこれにはですね、その川本喜八郎というその人徳というのがありましてですね、その要するにその彼はいろんな人から好かれていて、交友関係も広くてですね、海外の人ともそのあって、それでそのノルシテインが第一句を担当するとか、あるいはそれからその時は断られたんだけど、そのフレデリック・バックさんも参加する、できるなら したかったんだけどできなかったんです。それからあともういっぱいいます。ペトロフとか、それから、 マークメーカーね、 はい、まあ、いろいろ、 コーフとかね、ハオキさんとかね、 セルベさん、 はい。Mais donc pour vous donner un exemple de ce qui a été en jeu de ce projet, c'est vraiment l'importance ou la place de M. Kamoto dans le paysage de l'animation mondiale. Je dirais que c'est grâce à ses amitiés, à l'importance que lui et son travail avaient dans ce domaine-là, qu'un certain nombre de participations étaient possibles. Norstein, dont on a vu quelques images d'un film tout à l'heure, a travaillé sur le projet, il a réalisé le premier segment. Frédéric Bach devait travailler sur le projet aussi, c'est un peu plus sûr, mais il aurait souhaité pouvoir le faire, il était question, donc on lui avait demandé de le faire, il voulait le faire, ça ne s'est pas fait. Petrov, bien sûr, et puis après tous les autres, les réalisateurs étrangers, donc Mark Baker, pour une match, pour un Robin Servais, etc. でですね、その自分のやつの話をしなきゃいけないんだけど、その前にどうしてもその、見てもらいたい気がするぐらいなんで、本当にこれはそのノルシュテインが第一個やったんだけど、これは素晴らしいんですよ。でしかも結局彼がものすごく遅くなってですね、感染しないまま出来上がってるのが今の DVD です、ね、そうなんだけど、それ実はね、その後完成したんですよね。で本当はそれに差し替えたいところなんだけど、まあ、差し替えることはできない。でそうです、非常に残念なんですよ。もう日本人なんかでずっとその要するに芭蕉という人がよく分かってる、この人その素晴らしいものをですね、ノルシテンが作ったんですね。でこれはもう本当に人に見てもらいたいと思いますね。 Alors oui, il faudrait que je vous parle de mon segment, mais avant ça, absolument que je vous parle d'autre chose. Norstein a travaillé sur le premier segment, il a été très en retard, il a mis la production en retard. Son segment a été intégré donc au film collectif, dans une version qui, à ses yeux, était inachevée. Mais comment dire ? Et lui, lui-même a terminé sa version de manière convaincante à ses yeux par la suite. Ce qui est dommage, c'est que c'est une version inachevée qui est dans le DVD. Moi, si possible, j'aimerais beaucoup qu'on puisse la remplacer par la version complétée par le approuvée par le réalisateur. Malheureusement, c'est impossible. Mais quelle que soit la version, moi, ce qu'il faudrait, c'est vraiment montrer ce segment réalisé par Norstein. Ce qu'il a fait est vraiment remarquable. Norstein a compris les enjeux, y compris donc l'esthétique de Bachot, je dirais, mieux que les Japonais. Ce qu'il a fait, c'est vraiment, c'est vraiment très très beau. で僕はその実はその川本さんに、そのマイケル・デュドクとビッさんに声をかけるべきだって言ったんだけど、その彼は見てなかったようで、その彼をその、知らなかったようで、それは実現しませんでした。 なるほどね。Moi j'ai recommandé aussi à M. Kamoto de dire qu'il faudrait demander à Michael Dudok de Bit. Il faudra absolument qu'il prenne partie pour le projet, mais lui ne connaissait pas ses films, donc il n'a pas eu l'idée de proposer. Ça ne s'est pas fait malheureusement. Ça faisait partie des choses que je voulais proposer. で僕のものについて解説しようと思ったら、今までと同じぐらいの時間が必要なんで、その どっちかというと今の話をした方がいいと思ってやったんです。でこれはですね、やっぱり内容を分かってた方が面白いですね。で僕が担当したのは芭蕉の句ですが、非常にシャキッとしたなんていうかな、スカッとさせるための一句だったんで、最後にそのトイレのジャッという水を、まあ、しかも内容的にも合うわけなんで、それをやったんで、それ以外についてはちょっと説明してると長くなるんでやめます。 もし、もう segment、il faudra autant de temps que tout ce qu'il a fallu pour vous avoir expliqué la poésie japonaise, etc. Donc, on va essayer d'aller plus vite. Moi, j'ai adapté un des versets composés par Bachot, un verset qui était porté par une sorte d'élan, c'est juste de trancher, de passer à autre chose, de finir. Donc, ça allait bien avec cette idée de la chasse d'eau. Je pense qu'on va. On va avancer, on va pas creuser au-delà de ça. Il y a des choses plus importantes. Vous voyez quelques images. Oui. 一応その秋水一と盛り尽くすよぞって言うんですね。その場所を書いたやつは秋水一というのは秋の水、一とというのは、とっていうのはガロンとかそういう、まあ、単位ですよ。はい、体積の。はい、だから秋水一と盛り尽くすというのは漏れる、ポタポタと水が落ちて漏れていく。それは何かというと水時計なんです。 はい、夜ぞって 感じ。夜だってことですね。はい、そう、うん、でそれはその口調から言うと非常にね、中国の漢詩、中国の詩を日本語に訳した時の口調に近いんですよ。で非常にこうシャキッとした気分がするんですね。うん、 その水っていうのは、ちなみにその水は雨とかじゃなくて、 いや違う、そのだから水時計、 水時計 って言うと、はいはい、水がこうポタポタ落ちてくる、はいはいはい、しかしそれがその一晩の間にその、全部なくなってしまうというね。まあその前、は い、 説明だ、 はい、ごめんなさい、ちょっとルポエムドクルのそこにパッポは収集1と盛り尽くす要素という No, je n'ai pas la solution en tête, donc j'improvise. Un gallon donc, d'eau automnale fuyant, donc c'est l'eau qui découle, qui goutte, dans la nuit. Et donc ce qu'il décrit, c'est une horloge à eau. Mais le rythme de ce poème, le rythme de l'élocution, est très proche, extrêmement proche de la rythmique de la poésie chinoise. Et donc quelque chose qui est très tranchant, très, très vif, très, très tranché. ポツポツ落ちるのはその絵の中にありましたけど、ポツポツ落ちるだけじゃなくて、その盛り尽くすよぞっていうのはなんかそこでその、 ね、 その流れをいっぺんパッと断ち切るっていう詩なんですよ。はい、そのだから断ち切ったんだということです。 水の流れ。Donc il y a cette eau qui coule goutte à goutte, donc c'est ce rythme-là, et puis d'un coup il y a dans le rythme du poème盛り尽くすよぞ、il tranche, il y a quelque chose de très arrêté. Moi j'ai tranché là. De toute façon, je ne pense pas que j'arriverai à vous expliquer ça de manière convaincante. Mais il y a eu beaucoup d'intérêt. Les collègues, en tout cas, moi, apparemment, le travail que j'ai fait là-dessus leur a plu. Me semble-t-il, c'est un des, j'ajoute, M. Takada n'est pas, mais c'est l'un des versets les plus difficiles, à mon avis, à adapter. Vous avez vu, en attendant, en effet, les images, hein, qui manque le son, évidemment, qui est important de. Des images du Nordstein, du segment de Nordstein, qu'on a vu. Juste, est-ce que c'est une vision très occidentale? Là, on voit encore, c'est pas encore des images de M. Takahata, mais impression de montagne et d'eau de Tai Wei. Est-ce que c'est une. Oui, ça me voilà. Est-ce que c'est une version très occidentale de ma part de penser. Alors là, je reste sur le cinéma de M. Takahata, qui va de plus en plus dans son cinéma vers un trait que nous, occidentaux, on peut voir comme plus japonais. Alors, asiatique, là, c'est chinois, évidemment, mais plus japonais. Est-ce que c'est quelque chose qui ressent ou. C'est une version un peu occidentale. Dans un monde qui est un monde qui est un monde qui est un monde qui est un monde qui est un monde qui est un monde qui est un monde qui est un monde でしょう。要するに水墨画とは全然違うつもりでやってるんですよ。うん、 いやいや、高田さんの作品自体が時代を追って、だんだんその、はい、その中の線が、そうです、日本的な何かを帯びてるような。 そうですか。まあ、そうかもしれないですね、確かに。 Oui, c'est une version un peu occidentale, enfin c'est ma vision, d'accord, mais je voulais être sûr. Non, il y a peut-être quelque chose de cette nature-là au fil de mon travail, ça je ne sais pas, effectivement, c'est possible. ただ僕はその結構早くからもう日本のものしか作ってないんですよね。それは言えると思うんですよ。 Mais au-delà du tracé ou de la ligne, moi ça fait, j'ai commencé très tôt à travailler sur des sujets qui sont évidemment japonais. c'est ce qui moi, m'intéresse effectivement de parler un petit peu de la réalité qui m'est la plus proche. Au niveau de la réalisation, alors, il a été assistant réalisateur, je ne sais pas si c'est une image qui va forcément, alors ce n'est pas mon ordinateur, c'est tout petit. C'est un film sur lequel il a été assistant réalisateur qui s'appelle Hankoku ga Isadai no Keto, en 1903. Hankoku ga Isadai no Keto. Voilà, sur lequel il a été. Et je ne sais pas si c'est bon, parce que comme tu sais, grand combat de la carte des fidèles. Et est-ce que ça, c'est vraiment normalement, est-ce que c'est bien tiré de son, non, c'est pas celui-là, malheureusement, tiré de son documentaire sur... c'est tiré. Et je voulais savoir, puisqu'il s'est confronté aussi à la prise de vue continue, est-ce que lui voit une différence de réalisation réellement entre ces deux formes que sont l'image par image et la prise de vue continue, puisqu'il s'est confronté... 実写とアニメーションとの違い、監督するウェでのこう違いについてお聞きしたいわけです。いや、そのまず、さっきその韓国が最大の決闘ってやつの、その助監督というのはですね、社内留学があって結局僕一人で終わってしまったんですが、すぐその東映アニメーションのスタジオと道を隔てて東映撮影所があったんです。で、ですからそこにその Il y a eu un système avec Toei, la société, le studio où je travaillais, où j'ai fait mes débuts, moi, comme étant en scène de dessin animé, et au départ un studio de cinéma en prise de vue réelle, donc avec des acteurs. Et le studio d'animation a été construit de l'autre côté de la rue par rapport au studio de Tokyo, donc au studio de tournage en prise de vue réelle. Donc il suffisait de travailler sur l'autre, donc, en prise de vue réelle. Et il y a eu un moment donné un projet d'envoyer les gens de l'animation, donc les faire travailler, donc les faire étudier aussi. Donc, faisant travailler, participer sur les projets en prise de vue. C'était donc l'idée de qu'on enverrait les étudiants boursiers, vous savez, aux lointains, donc nous on a juste traversé la rue. Mais il se trouve que cette idée de programme a commencé et s'est terminée avec moi. J'étais le seul à. Donc, parce que je suis allé les aider, mais en fait, je n'en savais rien du tout. Et du coup, je me suis retrouvé, même par contre, à tenir des pistolets. Il y a quelques scènes dans le film où on me voit en train de courir avec les autres, à jouer une petite frappe qui tire au pistolet. Quoi. その当時実写の映画をやるつもりなかったんですよ。だから監督に怒鳴られながら走り回るのは大変ちょっと辛くてですね、陰に隠れていたりして、ただ一生懸命勉強はしました。その監督たち、撮影とかいう人が何をするかっていうのを。 Et donc, oui, moi je vous avoue que la prise de vue, moi, en tant que tel, c'est pas un truc qui m'intéressait absolument, donc j'étais pas dans l'idée d'entrer dans ce chemin-là. Vraiment, il faut dire qu'on est dans une logique justement, où le réalisateur passe souvent à beugler sur tout le monde, il fallait courir tout en tiraillant, tout en se faisant engueuler un petit peu. Donc c'était assez un peu spécial comme expérience. Moi j'étais déjà dans ça, de rester un peu dans l'ombre, effectivement, mais j'en ai profité pour apprendre autant que possible, effectivement, sur la prise de vue, sur un certain nombre d'aspects, effectivement, essentiels. Ça a été pour moi une période, effectivement, là où j'ai appris des choses. でこの柳堀有物語というそのカナンを扱ったその映画についてはですね、そこを舞台にしてアニメーション映画を作ろうかと思って、そのロケハンって要するにその場所を見に行ったんですね。そしたらそこで起こった出来事とか、それからその実際に張り巡らされている水路、その面白さにこれはそういうなんていうかな、フィクションを作るより、ドキュメンタリーにした方が面白いと思って。 Et pour le film qui s'appelle donc l'histoire du canal de la Niagara, donc documentaire en prise de vue réelle, donc que j'ai réalisé, il s'agissait au départ d'un projet de dessin animé. Il s'agissait j'avais une idée de long métrage qui se serait déroulé dans ce contexte-là, donc je suis allé faire des repérages, je suis allé voir l'endroit, et en découvrant cet endroit, découvrant cette rivière et le canal donc qui court là, je me suis dit qu'effectivement c'était un l'histoire de ce canal, l'histoire de la manière dont ce canal avait été sauvé, méritait effectivement un autre traitement que celui d'une fiction. Donc c'est quelque chose qui, à mes yeux, la réalité du lieu se prête davantage effectivement à en faire un documentaire, à traiter cette histoire de manière documentaire, plutôt que d'en faire le support d'un, projet de fiction. Et donc j'ai trouvé ce documentaire. Mais alors pourquoi il est passé de... Est-ce qu'en voyant ce canal, en voyant, il s'est dit je vais passer de l'animation à la prise de vue continue, puisque là, visiblement, il disait que c'était plutôt un projet en animation. Animation no kikaku o kondo gyakuni ja aete jisha de toru kiroku eiga toshite sono toru ko keshin sareta wake desu yo ne. まあそうですけど、結局その、よくあるんですけど、何かをフィクションにすると結局その綺麗になるし、それは感動ものにすることもできるけど、でも僕はその他人の作品に関しても、それはある本当に起こった出来事に関してはですね、そのドキュメンタリーで見る方が好きです。で、この映画の場合もそうだけど、そのドキュメンタリーと言いながら終わってしまったんですよ、その出来事そのものは。で、その場合でも、その要するにフィクションの再現ドラマをやるよりはですね、いろいろ人に聞いたりしながらドキュメンタリーを作る方がいいと思ってますね。 Alors oui, effectivement, j'ai pris cette vision. Comment vous dire, lorsqu'on traite, et en particulier en dessin animé ou en film en animation, de contexte donné et qu'on en fait des fictions, il y a des conséquences qui sont inévitables. C'est souvent des choses qui sont un petit peu embellies. Le contexte, la réalité qu'on écrit, effectivement, elle passe par un filtre qui est embellissant. Et puis, on en fait quelque chose souvent qui est porteur de toutes sortes d'émotions, etc. Donc on part dans d'autres choses. Là, en l'occurrence, moi, ce qui m'a semblé effectivement, moi, je préfère, en tant que spectateur, voir des films documentaires qui portent sur la réalité plutôt que des fictions. Voilà, ça, c'est une chose. Et puis, là, en l'occurrence, il s'agissait de traiter d'événements qui étaient révolus, qui étaient déjà terminés. C'est-à-dire que l'histoire de la salvation de ce canal était relevée du passé. Et plutôt que d'en faire une fiction comme une forme de reconstitution, comme ça se fait très souvent au Japon, dans les télévisés, de dire reconstituer des événements avec des acteurs, etc., de faux simulacres. Moi, ça me semblait important d'aller effectivement chercher, creuser, interroger les gens sur cette histoire-là pour la transmettre, la communiquer, plutôt que d'en faire effectivement un ingrédient de fiction. Et si les mythes sont non. Oui, ça. そのドキュメンタリーっていうことについて言えばですね、僕はそのアニメーション映画を作りながらその同時にドキュメンタリー的なことを考えていて、その例えばタヌキの映画はその勝手に空想的ドキュメンタリーと言ってるわけなんです。それから思い出ポポって映画の中で のベニマラというものをどうやって加工していくかっていうことについては、その映画ができた後、研究家がこれを教材にとして使ったぐらい、ドキュメントなんですね。 はい。 まあ、記録をちゃんとした。 Par ailleurs, je me permets d'ajouter une chose, c'est que moi, dans mon travail en animation, dans mon travail de metteur en scène, donc des dessins animés, j'ai toujours effectivement à l'esprit cette notion-là, cette notion documentaire. Qui fait que j'ai pu moi-même baptiser certains de mes projets de long métrage en dessin animé du label, de l'étiquette de documentaire fictif, de documentaire imaginaire, je pense en particulier à Pompoko, où il y a effectivement un certain nombre d'aspects de la réalité décrite qui sont à mes yeux strictement purement documentaires. Et d'autre part, un film comme Souvenir goutte à goutte, là aussi, où il y a tout ce travail de la cueillette des fleurs de Kartal dans le nord du Japon. Où là, effectivement, je me suis documenté, j'ai voulu décrire une réalité et l'écrire de manière juste, exacte, au point que certains spécialistes ont pu se servir de ces images-là, après coup, effectivement, pour expliquer un certain nombre de choses, d'aspects de cette réalité. Donc voilà, le rapport au réel, c'est quelque chose effectivement, qui fait sens de manière précise dans mon travail. Quand on a Kaguya-hime no Monogatari,織物をしているところがあります、 はい、 それなんかも正確に再現してしたつもりです。 Par exemple, dans Le Conte de la Princesse Kaguya en français, dans ce film, donc, il y a, vous savez qu'il y a apparaît notamment un métier à tisser, et donc la manière dont on décrit le travail donc, du tissu est exact. Voilà. On a voulu effectivement être précis et ne pas inventer des choses. Alors justement, c'était ma question. Après, ça tombe bien, on va regarder un tout petit extrait, bien sûr, de Moïse Polo Polo et cette fameuse scène où, en effet, si j'arrive à avoir le son bien, parce que sinon, ça ne serait pas. c'est quoi? Ah, c'est pas mon ordinateur, désolé. C'est un bon. Oui, c'est avant, pardon, je suis passé, excusez-moi. Je suis passé. Voilà, pardon. Vous aussi. その血が紅の色を一層深くしたというのだ。一生唇に紅を刺すことのなかった娘たちの華やかな表情に対する恨みの声が聞こえてくるような気がした。一握りの紅を取るにはこの花びらの不熟感が必要で、玉虫色に輝く純粋の紅は当時でさえ金と同じ値段だった。 Malheureusement, on coupe, je suis désolé, évidemment, c'est frustrant de couper la scène là. Ce qui est extraordinaire dans cette scène, c'est qu'on est justement. Pardon, je voulais dire. Oui, ça, pardon. その ドキュメンタリーとか言ってる時にここでは叱られたんですね。その朝日が差してくる時に、どうして鳥が鳴かないんだ、鳴かないんだと、その、自然保護をやってる人たち、人も一人に叱られました。 Alors, moi, je vous parlais de documentaire, mais en fait, là, voilà, il y a eu sur cette scène, c'est précis, le soleil levant surgit, et il se trouve qu'il y a donc un de ces observateurs de la nature, spécialiste de la question, qui m'a, comment dirais-je, réprimandé, qui m'a dit, mais est-ce normal que, alors même que le jour pointe, on n'entende pas le chant des oiseaux? これ、リアリティ、すごくプレックスクラフィクション。で、これはその、歌ったのはブルガリアの、そのご存知かもしれませんけど、そのフィリップ・クーテフっていう人がやってる、その合唱団の歌なんだけど、それが綺麗だったから僕はもう、それに任せた方がいいと思ったんだ。 La musique que vous entendez sur cette image, c'est une musique donc c'est un cœur voix bulgare. Et moi, il m'a semblé donc pour ce plan, pour l'impression, pour l'atmosphère de ce plan en général. Je pouvais m'appuyer plutôt sur cette musique-là, voilà, plutôt sur des sonores, donc je m'en suis remis finalement à la tonalité, à au rythme, au mystère de ces voix pour cette scène précise. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que quand on regarde, il y a en effet l'idée des documentaires, on vraiment nous explique, et à la fois il y a des outils de fiction, et on a l'impression. On parlait de Pompoko, je sais que dans le. Et notamment dans les Lucioles, les avions évidemment sont très fidèles. Et à la fois, il y a un mélange entre cette idée de vouloir représenter une réalité et à la fois quand même être avant tout dans une fiction. Est-ce que ça, c'est quelque chose vraiment d'important, ce mélange? その上でのそのそういった細かいね、その詳細にわたるその注意と姿勢と同時にやっぱりその 本格的なフィクションですよね。その、ホテルの中の中でも、その要するに現実をその照らしながら、やっぱりその、記憶としてのその働き、あるいはその原理も同時にこう、構築してるわけですよね。 そうでしょうか。はい。 Certes, oui. D'accord, pas plus que ça. Il y a quand même une idée, alors évidemment, je vais pas. Des fois, on n'a pas forcément des réponses, courtes. Il y a quelque chose qui, moi, me marque toujours dans. Je pense que le cinéma d'animation japonais, le long métrage, en tout cas d'animation japonais, a de ça en plus que le long métrage d'animation, on va dire, occidental et le reste du monde. Alors, j'arrive pas à trouver, malheureusement, ce que je cherchais maintenant, on a changé d'ordinateur. C'est. Je voulais savoir au niveau des références, et peut-être que c'est encore une fois quelque chose de très. Mais voilà, je vais pas l'avoir. Je pensais à Ozu. Et dans cette idée de laisser finalement la vie passer devant la caméra. Et par exemple, là, on voit, il y a un moment donné où il y a une abeille qui va se poser sur une fleur, etc. Et ça, c'est des choses, je sais qu'on coupe souvent dans les longs métrages d'animation européens, occidentaux, en disant ça va coûter cher, ça n'apporte rien à l'histoire même. Et là, je trouve que justement, c'est une des forces, notamment dans le travail de M. Takahata. C'est une atmosphère, quoi. Oui, oui. 日本の長編アニメーションの一つの特徴はだから、まあ、ちょっとバスピリで探したけどこう自分のコンピューターに出てこないんだよ、うん、オーズ映画 の, そのこうペースのゆっくりさというかカメラを構えて そこにいろんなものが日常のペースが、うん、あのまあ、なんか虫が飛んできたりというようなことがあるんです。これは西洋の長編アニメーションではまずやらないですね。これはあの尺と、時間とお金かかって効果がないと絶対に登場しないような要素ですよね。そういったこう雰囲気を、醸し出すあのそのこう何かな現実 の, そのリズム現実のペースをあえて、アニメーションの中で捉えるというそういうあの それだから一般論としては分かりません僕は、うん、要するに僕の映画は、そこで表現されていることをその自体に意味があると思っているからやってるんで、はい、それが退屈に思う人はあの申し訳ありませんと言うしかないんだけど。ただその他のそういうことでない人たちがもしやってるとしたらそれはそのおっしゃるようにねその日本映画のなんか一種の特徴なのかもしれませんけど僕はそうじゃなくてあのもっとそのなんていうかなそのものについてっていうかなその要するにそのもの自体にそのだからそのこと映ってるもの自体に意味があると思ってるんです、う ん、はい。Alors moi je peux rien vous dire sur, de manière générale sur une tendance qui serait celle de la production japonaise. Je ne peux pas parler au nom des autres cinéastes japonais d'animation. Je peux vous parler de mon travail. Donc dans mes films, ce que vous décrivez, cet élément-là, ce motif-là, il est présent parce que à mes yeux il a un sens. Effectivement, ça a un sens d'avoir ces éléments. Ce qui est décrit à l'image fait sens et donc dans ce rythme-là, ça fait sens de décrire la scène ou le plan. En tenant compte de ces éléments-là. Maintenant, peut-être que de manière plus large, c'est ce que vous décrivez correspond à une réalité, je ne sais pas. Moi, dans mon travail personnel, c'est vraiment, voilà, à l'échelle de chaque plan, je réfléchis effectivement à la manière dont les choses sont montrées, et ici, de cette manière-là, c'est vraiment, c'est un choix délibéré, c'est pas du tout pour coller à une tendance générale ou à un réflexe, je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. あ、ちょっと待って、叙情的なものに、そのなんていうかな、こう、寄りかかるという監督は日本映画の中にいないわけじゃないけど、例えば大泉洋は全然寄りかかってないんじゃないですか。そのシーンの転換の時には非常に長い、その長いというのは12秒ぐらいある、その、止まった絵で、なんかその全く外界を映したりね、はい、そういうことはあるけど、その要するになんていうかな、そのあるものに、その日本の文化の特徴と言われているね、はい、そのこう生け花をこう置いてね、それにこう気持ちをこう感情移入するというかな、その映したりするようなことはあんまりしてない人じゃないでしょうかね、小津安二郎が。 もっと、なんでしょう、じゃあ、その距離取ってるわけですか。 いや、実際、してないでしょ、それを確かめたいんだ。うん、 Alors, moi, je voudrais vérifier quelque chose, parce que donc, cette idée de, d'éléments comme ça, de lenteur, est-ce que c'est ça qu'il s'agit? Moi, je crois qu'il y a des cinéastes, dans les cinéastes japonais, qui ont une approche un petit peu comme ça, comment dire, peut-être lyrique de la réalité, donc dans leur manière de la décrire, mais je ne crois pas du tout, par exemple, qu'Ozu soit une approche de cette nature-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des scènes qui sont très, des plans qui peuvent être très longs, qui peuvent être vraiment comme ça très... allongés avec une image qui peut être fixe sur un plan, ça y est, sur un extérieur, mais il n'est pas dans une idée de construire l'irrécité, comment vous dire, de poser là un vase avec des fleurs, selon l'art floral japonais, ou je sais quoi, d'essayer de construire une émotion ou une projection émotionnelle du spectateur. Le sens est tout à fait autre, je pense, dans ce travail. Donc, ça, je Je ne pense pas que donc, cette idée de, d'atmosphère soit au cœur du travail d'Ozu. Pardon. C'est, en tout cas, je suis pas certain que ce terme soit les bons. Non, c'est vraiment l'idée d'avoir, en fait, la vie, souvent, encore une fois, je précise, dans un long métrage d'animation français, moi je sais des gens, voilà, on va faire une scène qui va être d'une importance par rapport à l'histoire. Là, j'ai l'impression qu'on laisse plus la vie se découler dans, par exemple, le cinéma de M. Takahata. そうですね、まあ、だから日常の流れとか日常のリズムということに関してですよね、はい、そういう日常のリズムに関しては、はい、西洋の長編には絶対出てこないです、うん、でシーンごとにドラマとしての意味があるから、こうで次々と点々と展開していくんですね。 それだから昨日ちょっとその、まあ、ここに昨日のお話で触れられなかったことが大きなことが、まあ、もちろんあるわけです。それは西洋の場合にそのタブローってその絵とか絵じゃなくてもいいけど、そのなんていうかな、壁画でも何でもこれは一つの宇宙として考えてる、 はい、 で宇宙として考えてるからそこに詰め込んでいって非常にその緊密なその構成っていうことを考える、 はい、 でそれに対してその昨日ちょっと説明しか少ししかできなかったけど絵巻物っていうのがあって、それはですね完全に日常的な我々が実際に接していると同じ空間がそのなんていうかゆとりのままに出てくるんですよ。ものすごい違うことで凝縮してそのそのミクロコスモスを作ろうという意識はないです日本は。でそれはだからそういうことで似てると思うんです。 なるほど、 ね、おっしゃったこと。 Alors ça nous ramène à quelque chose que j'ai pas pu aborder hier lors de mon intervention, qui est un élément important de différenciation à mon avis culturelle ou d'ordre esthétique dans la peinture occidentale en général, ou même enfin de manière large, des fresques murales, toutes les représentations graphiques effectivement. Comme ça, en image fixe, sont inscrites. On conçoit un espace donné, on a un cadre, on va le construire. Donc, M. Takahata utilise le terme de microcosme. On va construire un univers dans sa totalité, dans sa cohérence. On va concevoir, on va essayer de densifier quelque chose, de condenser quelque chose de l'univers à l'intérieur d'une image. Donc, on va être très précis, on va réfléchir à la place et au rôle de chaque petit élément pour former ce tout, ce microcosme. Au Japon, j'ai parlé un petit peu hier de ces rouleaux illustrés, de ces rouleaux peints, qui en réalité décrivent la vie de tous les jours, décrivent effectivement l'univers quotidien, les choses qui sont les plus familières, un espace quotidien, un espace ordinaire, qui n'a rien à voir avec l'idée de condenser un microcosme et de restituer une cohérence de l'univers, ou je ne sais quoi. その空間がその映っていくというふうに見えるんです。 Et donc, dans l'expérience qui consiste justement à dérouler d'une main, à enrouler de l'autre ces codex, ces images enroulées, eh bien, il y a là un flux, un cours à la fois, donc un mouvement dans le temps, un flux du temps et un mouvement dans l'espace qui correspondent au flux du temps et au déplacement dans l'espace que nous connaissons dans notre vie ordinaire. C'est un temps ordinaire. Un temps, mondain, profane, qui se déroule dans ces rouleaux. Mais selon toi, c'est ヨーロッパだけじゃなくてインドなんかもそうだけど、インドなんかも含めてのその物語をやるのはもう全部ぎっしり詰め込んである、その一つの画面だから。 はい。Et par contraste, toutes les approches, non seulement en Occident, mais même par exemple dans le domaine indien, qui sont inscrites dans le registre des images narratives, des images qui visent à raconter une histoire, qui sont chargées. D'une dimension de narration, elles sont toutes évidemment extrêmement condensées, extrêmement structurées. Il faut absolument avancer dans le fil du récit. Et donc l'image, elle prend un caractère effectivement donc utilitaire par rapport à ces étapes narratives. Et donc effectivement, comme vous dites, ces récits et la progression de ces récits pour le montage d'animation sont aussi est extrêmement dramatique, extrêmement conçu selon une trame et une structure narrative. Alors, il nous en parlait un petit peu, je voulais passer au scénario. Il nous en a parlé. Là, c'est quelque chose qui date quand j'ai trouvé sur Internet où il explique aussi à quel point Le Tombeau des Lucioles n'est pas justement un film forcément, enfin, n'a pas été considéré comme un film anti-guerre. Dans Pompoko, les Tanuki sont plus complexes qu'ils n'y paraissent. Ils veulent à la fois détruire les humains, mais les garder quand même parce qu'ils font des bons hamburgers, enfin voilà, de la nourriture quand même qu'ils veulent manger. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la volonté dans aucun de ces films d'avoir un message absolument politique clair en disant voilà c'est comme ça que ça se passe, mais de laisser beaucoup d'ouverture. そうですね、まあこれはその取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次ぎの取り次 人もいれば、少し残した方がいいという人も、だからある程度のこう複雑さがあって、一つの映画の中に一つの一方的なそのメッセージが込まれている、相手にこう込まれてないというふうに、まあ、受け取るわけですけれども、 そうですね、そういうつもりで作ってます。確かに、要するに、実はそのこうメッセージ性が強いとか、その今言われたタヌキの映画なんかそういうふうに言われたんですが、僕は違うと思ってるんですね。というのはそのなぜ違うかって、その客観的に違うと思ってるわけ。それはタヌキだったら僕が言ってるわけじゃない、僕という作り手が作ってるんじゃない、その言ってるんじゃなくて、あそこに出てきたようなタヌキたちだったらこう言うだろうということを言ってるだけであって、あるいはこう行動するであろうということをやってるだけであってね、そのなんていうかな、政治的なメッセージとかそういうものをこう直接観客に訴えようというつもりは常にありませんね、どんな映画を作るときでも、 はい、 そこには自由があるように作ってるつもりです、 はい、 だから表現手段も、表現もだからある程度客観的に作って、その様々に受け取れるような、はい、批判をするながらできるような状態で作ってるつもりです、うん、 Oui, donc ça nous ramène aussi à un élément que j'étais passé par exemple tout à l'heure, c'est qu'il dit, quand il parlait de cette enfer, il dit, cette enfer a été libérée, si les gens la trouvent ennuyeuse, je peux en être désolé vis-à-vis d'eux. Et donc cette histoire de message univoque, oui, bien sûr, je vois ce que vous voulez dire, pour vous répondre sur l'exemple des tanuki. Moi, je crois que c'est quelque chose qui va au-delà de cette idée de complexité des tanuki, enfin, ou d'une intention qui serait purement la mienne. La raison, elle est beaucoup plus objective. C'est-à-dire que lorsque je travaillais sur le film, je me suis posé des questions de manière objective. J'ai essayé il ne s'agissait pas de faire porter à ce film un message directement politique, mais de réfléchir justement à la situation dans laquelle se trouvaient les tanuki, d'imaginer quelle pouvait être leur action, de manière objective, de manière, comment dire, distanciée, pas en tant que mon intention était en scène, mais imaginons que ces bestioles dans cette situation-là, quelle pourrait être leur réaction. Et donc voilà, cette complexité-là, elle vient naturellement, effectivement, de ce que cette situation porte en elle. Et donc voilà, moi j'ai toujours voulu, effectivement, dans le film, d'une part, ne pas m'enfermer dans une démarche univoque, effectivement, et laisser une forme, à la fois sur le plan technique, formel, mais sur le plan donc foncier aussi, sur le plan de l'intention, laisser une liberté au spectateur, laisser place à une ouverture interprétative, à une diversité de lecture, y compris de laisser place à la critique. Alors peut-être que Lilian, toi tu connais évidemment beaucoup mieux que moi le travail de M. Takahata. Il me semble que, si je ne me trompe pas beaucoup, est son seul scénario original, en tout cas pas d'après l'adaptation. Il a tout le reste sur le métrage sont adaptés. Et je voulais savoir comment, en fait, on choisit ceux des adaptations, parce que quelque part, il y a un vrai fil à l'intérieur de tous ces films. Hein. Il y a vraiment une œuvre là qui s'est construite. Et voilà, comment choisir ces adaptations entre manga, roman.意図、志でそれぞれの題材、元の題材をこう漫画から原作、文学からお選びになってるんでしょうか。 自分で選んだわけではないものもありますね。その要するに消極的な選び方、なんて言うんでしょう、やりたくないものはできるだけやらなかったってことは言えるんですけど、はい、その後その自分が主体的にこの作品を、要するに原作があった場合に、その結構原作に忠実と言われるんだけど、しかしそうは言われながらも、その自分の仕事としてちゃんとやれるかどうかっていうことが非常に大事なわけで、主体性を持ってやれるというものを選んでるつもりですね。なんていうかな、だから例えばこういうことがあったんですよ。いい例です。その虎ノ山田君っていうやつはですね、朝日新聞という日本で非常に大きな新聞に連載されていた漫画です。 で、その、まあ、書いた石井久一のファンでも何でもありませんでした、僕は。だけど、その鈴木敏夫ってその、まあ、今有名になってますけど、そのプロデューサーだった鈴木敏夫っていう人はですね、その石井久一のファンだったんです、ずっと。で、けど僕も彼も、その朝日新聞の虎の山田君っていう作品、まあ、読んでたし、僕も面白いと思ってました。で、彼は こんなものできないだろうかっていう話はしてました。でもその時に常に僕はこんなの映画になるわけないじゃないとこう言ってました。いいですか、続けて どうぞ。 と言ってたんだけど、ある時突然というから、そのなんか話をしてた。その要するにその今の日本の世相とか、そのいろんな若者たちの動向とか、でそういう時に、あ、これ今作ることに意味があるなって僕自身が思い始めた。でそうすると、しかもそれ考えてると、これは4コマ漫画なんですね。普通だったら、まあ確かに長編できないと、もう僕自身も思ってたし、できないと思ったんだけど、こんな風にしてやればできるじゃないかって思ったんですね。でその時に初めてその自分が主体的にその作品に取り組む姿勢ができて、それで、やろうということになる。そんな一つの例です。 Il y a dans ces différents projets des motivations, des degrés d'implication qui peuvent être différents au départ, dans la manière dont le projet démarre, hein, dans le choix de mettre. Il y a des choix que j'ai fait de manière plus ou moins volontaire, des choix sur lesquels je suis avancé un petit peu à reculons, au moins au départ. On me dit souvent que lorsque j'adapte, les différentes adaptations que j'ai faites de matériaux originaux sont très fidèles, par exemple, aux matériaux d'origine. Chacun de mes projets, je m'y attaque dans l'idée qu'il sera possible d'apporter quelque chose en plus, d'apporter quelque chose qui relève de mon travail en propre, pas simplement de l'illustration ou de l'adaptation, du reflet du matériau de départ. Et donc, pour vous donner un exemple de ces choix délibérés, de choix, actifs, ou de comment un choix devient actif. Vous connaissez peut-être le film qui s'appelle Nos voisins les Yamada, que j'ai réalisé en 1999. Il est basé sur un strip. Donc c'est une bande dessinée à parution quotidienne. C'est des BD avec 4 cases. Des BD comme Snoopy, les Peanuts et compagnie aux États-Unis. Donc tous les jours, vous avez une bande dessinée dans Asahi, c'est un des principaux quotidiens japonais. Et moi, j'ai jamais été un fan, un admirateur absolu du travail de ce dessinateur, c'est Ichii Saichi. Mais le producteur, Suzuki, donc, qui est maintenant devenu un peu célèbre, lui a toujours été fan de cette BD. Donc, c'est lui qui, voilà, on se trouve, on est tous les deux lecteurs de Masashi. Et moi, j'apprécie aussi le travail de Ichii, je trouve intéressant en tant que BD. Et lui, il voulait absolument essayer de reproduire. Je lui dis, alors, est-ce qu'on ne pourra pas faire un film avec ça, etc. Et donc, moi, je dis, c'est impossible, des petites cases, de faire un long métrage à partir de petits trucs comme ça, ça ne marchera jamais. Et donc, voilà, on avait ces échanges. Moi, je lui parlais, à un moment donné, au cours de ces échanges qu'on a régulièrement, et où on parle de tout, on parle de la société japonaise, de ces mouvements, de la jeunesse, etc. À un moment donné, je me suis dit, oui, là, il y a un sens à travailler sur ce projet-là, à faire quelque chose à partir de ce matériau-là, dans l'époque qui est la nôtre. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à y réfléchir de manière active, de manière impliquée, de manière délibérée. Et c'est aussi lié au fait que, voilà, à ce moment-là, j'avais trouvé aussi une approche qui permettait de traiter ce matériau. Et puis, je vais vous dire, c'est que, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par ホタルなんかもそうですし、はい、それからあるいはハイジなんかもそうです、はい、テレビアニメでハイジっていうのをやりたい社長がいたわけだけど、しかしそれをどうするかっていうのも誰も考えてくれないわけだから、はい、その時に初めてこういうふうにやれば、その、一つの意味のあるシリーズになるだろうということをこっちが考えた時に初めて成り立った。それによって企画に成り立ったんであって、その決してそのなんていうかな、ハイジやったらとか隣の君山田君やったらとかっていうのが企画じゃないだろうと思ってるんですね。だから自分はそうやって主体性を確立してるということは言える。はい。 Pour vous dire un peu plus sur cette manière que j'ai d'essayer de construire cette démarche active, cette démarche délibérée, cette démarche en tant que sujet donc d'un projet de film, On a tendance à penser que les projets de films sont comme ça, flottent dans l'air, etc. Ils sont, et puis la démocratie pourra. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Par exemple, le projet de Watanabe Yamada, c'est celui qui a proposé l'idée, mais ça va peut-être vous sembler un peu présomptueux. Mais moi, il me semble que c'est la découverte ou la construction d'une approche, d'un traitement, d'une manière d'aborder et d'adapter. Façon d'adapter concrètement ce matériel-là en émission qui permet pour, et elle seule de faire exister un projet au sens plein du terme par rapport à ça. C'est pas un projet qui. Si j'avais pas eu cette idée-là, je pense que personne n'aurait fait un projet de cette nature, personne n'aurait adapté cette bande dessinée en métrage, c'est ça que je veux dire. C'est la même chose pour Tombeau du Ciel, c'est la même chose pour Heidi. Heidi, il y avait un patron d'une boîte de production qui voulait adapter Heidi en animation, il n'avait aucune idée de comment faire. Et l'idée, c'est vouloir faire porter ça à l'écran d'animation, c'est une chose. Comment le faire, c'est complètement autre chose. Et c'est l'idée d'un traitement, l'approche concrète qui permet effectivement de construire ça en animation, qui permet comme première étape à ce projet d'exister en tant que réel projet. Et moi, c'est le cas sur tous mes travaux, c'est la manière que j'ai de construire effectivement une implication dans un projet, c'est de réfléchir à l'approche au traitement. Alors là, c'est le moment où je m'excuse auprès d'Ilan. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on va tenter le coup. Déjà, il fait beaucoup. On va regarder en fait un petit extrait de 2 minutes. Je ne sais pas si M. Placata va comprendre. On a un jeune Jacques Rivette, réalisateur français, qui rencontre Jean Renoir, grand monsieur, évidemment. C'est en avril 69, et on parle technique un tout petit peu. On va parler technique. Et voilà ce qu'il dit. Alors, je m'excuse auprès d'Ilan. On va essayer. Je vois que ça va marcher. Tu vois rien? Tu vas entendre, sinon. Mais voilà. C'est parti, donc Jean Renoir. Tout, c'est même pas ce qui est beau l'angle. C'est juste après. Non, faut pas que ça me passe ça maintenant. Technique. Ah. La nature. C'est bon. Je me demande si le fait que aux époques primitives, tout objet, même pas un objet d'art, était beau. Car enfin, il y a tout de même une question troublante. Nous regardons des poteries, je ne sais pas, étrusques, anciennes. Elles sont toutes belles. Tout le monde ne veut pas me faire croire que tous les poitiers étrusques avaient du génie. Alors comment se fait-il que brusquement, lorsque la technique est primitive, tout est beau. Lorsque la technique est perfectionnée, presque tout est laid, sauf ce qui est le fait d'artistes suffisamment géniaux pour dominer la technique. Alors, c'est tout de même une question assez troublante. Alors, je me demande en ce moment-ci, n'est-ce pas, si, puisque parlons de l'art du spectacle, c'est ça qui nous intéresse. Je me demande si notre marche vers la technique n'est pas tout simplement l'annonciateur de la décadence complète. D'abord, écoutez, la perfection technique ne peut créer que l'ennui, puisque elle n'est que la reproduction de la nature. Admettez que nous arrivions au cinéma à donner l'impression parfaite d'une forêt. Nous aurons des arbres, avec l'épaisseur de l'écorce, nous aurons des écrans encore plus grands, des écrans qui feront le tour du spectateur. Et nous serons vraiment au milieu de la forêt. Nous pourrons toucher les troncs d'arbres, nous respirerons l'odeur de la forêt. Il y aura des machines automatiques qui dispenseront des parfums imitant l'odeur de la mousse. Alors, vous savez ce qui arrivera? Ben, il arrivera qu'on prendra une Vespa et qu'on ira dans une vraie forêt, qu'on n'ira plus au cinéma. Pourquoi foutre, voulez-vous, aller s'embêter dans une salle de spectacle quand on peut avoir le vrai? Donc, l'imitation de la nature, n'est-ce pas, ne peut créer que la fin d'un art. Désolé, il a dit. Renoir, là,言ってるのは、まあ、あのね、その古代の、その例えばどのようなその焼き物を見ても美しい。これはおかしいんじゃないか。つまり全ての、 そのこう焼き物を作る人間たちは全て天才だったと思えないわけです。でその原始的な時代 の、 その作るものは全部美しさがあるのに、技術が発達するとともにそれに比例してこうほとんどのものはこう美しくなく、ひどくなって、そので十分なそのこう天才と言われるような人たちでしかその、美しさをそのこうやっぱり再現できないという。でどんどん発達すると、まあ、これは見せ物という工業の世界での話をすると、その技術への走り、技術的再現の絵の走りが要するにデカダンス、芸術のそのこう終焉を予言してるんじゃないかというふうに。つまりどんどん映画というものがその、自然のその、まあ、イミテーションですね、自然のそのこう、模写をどんどん複雑にできると、例えば仮に 森の中に入ったことを再現できたとしよう。どんどんいろんな形で、ね、画面がこう見る側を囲んで そこに匂いが出てきて、その、ね、幹 その食感、あの感触もそのこう再現できて、それはどういう結果になるのか、そのバイクに乗って本物 あの森に行って映画の終わりを意味するんじゃないのかっていう、あの、疑問をこう一石を投じているわけです。Et alors Sur et donc la question, c'est par rapport justement à Kaguya qui reprend une technique, on va dire pas ancestrale, mais qui vraiment essaie de retravailler le trait, de retravailler quelque chose de beaucoup plus naturel. Est-ce que justement, est-ce que lui voit dans cette avancée de la technologie dans l'animation, peut-être pas une décadence de l'animation, mais en tout cas une perte, et que Kaguya justement, alors il l'a bien dit, hein, serait pas contre ça, mais en tout cas essaierait d'aller vers, de continuer à aller vers autre chose. Kaguya Shinden, c'est donc la technique. そういったさまざまな、昨日の話にもあったように、その、まあ、3DCG の発達とか、それに対して別の可能性を、まあ、こう提示する、その残すという、そういうあの現地的なかどうかということじゃないんだけども、その線のね、勢いを表現するというようなことで、まあ、なんか関連あるのかどうかわからないですけども、どうでしょうか。 その、この今の話っていうのは、その2つに分けなくちゃいけないんで、はい、1つその、そのエトロスクのあれが、ね、昔のあいつはみんな美しいとかっていうのは僕が感じてたのはですね、あのフォ、なんていうんだろうね、フォルクロあれとして その例えば美術があるんですね、 はいはい、 フォルクロとしてのでそういうのってあの誰か発見した時にはすごく素晴らしいんですよ。そのね、で発見して勇気づけてあのその人たちにあの生産させてやってるうちにですね、だんだんあのまあつまんなくなってきますよ。でだからその最高の時っていうのがあるんですね。でその後、確かに衰えるんです。だから それを掴むことはなかなか人間難しいだろうなって気がするわけ。その最高の時期っていうものをこう持続させることっていうのは非常に難しいだろう。でそれはあの漫画なんかの世界で日本ではヘタウマって言葉があるんですよ。 漫画 ヘタウマっていうのがいてあって、あの、ね、下手くそな稚拙なんだけどその非常にあの、なんか面白いっていうね、ヘタウマっていう言葉は日本にあるんだけど、でそれも長く続かないんですよ。なかなかその人だんだん上手になっちゃうから、書いてるうちに。でそれが一つ、その、はい、そのこれはもうなちょっといかんともしがたい、どうしようもないことだと思うんです。その今二つに、 はい。 Alors, cette remarque de Renoir, je pense qu'il faut la prendre. Enfin, il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte et qu'il faut séparer, je pense. D'abord, cette histoire de poterie. Poterie étrusque, ce qu'on voudra. Enfin, je crois que dans le domaine des arts populaires, je ne sais pas quel est le bon terme, des arts folkloriques, quel est le bon, je ne sais pas du tout. En tout cas, il arrive qu'à un moment donné, quelqu'un trouve une beauté, une qualité à des objets de l'usage quotidien. Ça, c'est quelque chose dont on a des exemples sur l'histoire. En général, ce qui se passe, c'est que quelqu'un trouve une valeur esthétique à ces choses-là, commence à essayer donc, de faire produire aux gens qui faisaient ces poteries ou ce qu'on voudra, à en faire produire davantage, etc. Et le résultat de tout ça, c'est qu'en général, ces objets qui sont portés par effectivement une beauté, une forme de beauté, en général, à un moment donné, perdent cette qualité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de banalisation, quelque chose qui... un processus, il y a une période comme ça qui est un plateau, une sorte de sommet en termes de beauté ou de qualité, comme ça, esthétique, et puis ensuite il y a un déclin. Et la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut conserver cette période-là, comment est-ce qu'on peut rester peut-être dans les sommets de cette beauté-là. On parle par exemple dans la bande dessinée au Japon, on parle, alors ça je suis incapable de traduire ça, je ne sais pas si c'est un terme pour traduire ça, on parle de hetaoma, c'est-à-dire c'est des dessinateurs qui sont maladives, mais dont le travail présente quand même une qualité. Donc ils sont, on voit bien qu'ils sont, voilà, que c'est mal dégrossi, que c'est mal dessiné, mais il y a quelque chose qui nous accroche. Et en général, c'était, il y a eu une époque dans la bande dessinée où on s'intéressait beaucoup à ces dessins, on allait chercher ceux qui étaient comme ça, non conformistes, etc. Ce qui se passe, en général, leur dessin échange, leur dessin devient de plus en plus d'avis. Et ça, on ne peut rien y faire, ça disparaît, quelque chose qui s'estompe et qui nous échappe, donc on ne peut rien faire. もう2つなんだけど、もう1つは、その森林の中で木の話とかね、 はい、 香りがどうかという話で、 はいはい、 そのあれについてはですね、その、ジブリだけじゃなくて、日本のアニメをご覧になった人は、 やったらその森だなんだかんだっていうのがその自然自然自然自然ってそのもう嫌になっちゃわないですか。そのそういうふうになってしまうね。その要するになんていうかな、最初そういうものをその自然の持ってる豊かさみたいなものを描こうとした時には良かったんだけれど、それをこうずっと続けてると、それはそのルノワールが言ってる通り、バカバカしくなってくるって。でそれはその実際日本のアニメの中で、まあ、実際に起こってることですね。 Alors ensuite, l'histoire de Forêt. Si vous regardez, si vous connaissez suffisamment de production animée japonaise, vous savez que c'est une sorte de vulgate. Enfin, moi, je pense qu'en tant que spectateur, on pourra en être dégoûté tellement vous voyez la forêt, la nature, etc. La nature merveilleuse, etc. Il y a une espèce de ça finit par produire une sorte de dégoût. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné un projet. Disons artistique, consistait effectivement à essayer de rendre en dessin animé, de restituer quelque chose d'une nature sensible de la nature, sa richesse, sa beauté, etc. Et puis, je ne sais pas quand, mais c'est devenu une sorte de gimmick, c'est devenu quelque chose d'automatique, c'est devenu une sorte d'obligation, quelque chose comme un réflexe. Et comme le dit Renoir, à un moment donné, on tombe dans quelque chose de complètement stupide, on est dans un mimétisme, dans une forme d'itération qui devient absurde. その今度 その影姫の物語の自然の描き方っていうのはですね、はい、その要するに非常にこうそのセンシティブなその美術で自然を描いていたその小川和夫というのが人と僕がいろいろ話をしてて、要するにそのもう行き詰まってんじゃないかということを言ってたんですよ。その日本 その自然を描くということについて、その彼は上手ですけど彼のエピゴーネがいっぱいいるんで、そのでそれのまあ、成果ということなんですね、その今度のスタイルというのは。 はい。Et pour vous dire un mot sur la production de la nature dans Kaguya, vous savez que, si vous connaissez un petit peu, vous savez que M. Ogakazo, le directeur en chef, le chef artistique, directeur artistique sur ce film, a été aussi directeur artistique sur Totoro, etc. C'est un des très grands décorateurs qui a un sens particulier, un talent vraiment spécifique dans la production de la nature. Ces paysages sont portés par une qualité vraiment sensible. Tout à fait unique. Moi, je parlais avec. Depuis très longtemps, j'avais l'habitude effectivement de changer de pays par rapport à une forme de stylisation de ces représentations naturelles dans les scènes de la Judée. Je disais, moi, il me semble qu'on est parvenu à une impasse. Alors, lui est très fort, mais il a suscité énormément d'épigones, de gens qui marchent dans ses pas, et qui étaient dans une forme d'imitation où c'était beaucoup moins. Voilà, on était dans la perte de sens. Moi, il me semble que le travail qu'on a pu mener sur Kaguya, justement, en termes de représentation naturelle, permettre de sortir de cette impasse pour poser tout le monde autre voie. Moi, c'est ça. Hey. Et toi, c'est ça. これで終わりですけど、その、その線、かぐや姫の線について言うと、それは田辺修というのはものすごく上手なんですけども、ただその要するになんていうかな、不完全な部分というのはどうやって作るかっていう問題なんですよ、やっぱり。はい、そのだから普通だったら直したくなるようなものを直さない方が意味があるということをその強調してですね、それをやったんです。例えばその今挙げた小川和夫さんなんかは非常に丁寧な仕事をすることが好きだから、きちんと従うんで、いやもう、いやそこでもうこれでストップした方がいいということをこちらが言わなくちゃいけない、どうしても。でそれが一つ。それから、実はですね、かぐや姫の物語のフレームっていうのは、その実際の作画したフレームってこんなものなんですよ。でこれぐらいであれ書くと、その細かいこと書けないんですよ。しかもちょっとしたズレっていうのはそのまま拡大されるから、でそれがその偶然そのいい効果をもたらすであろうということを、そういうふうにしたんですね、はいはい、それはあれ見てて分からないかもしれないですけど、実際のフレームこんなもんなんですよ。だから顔なんかこんなちっちゃい。 D'autre part, pour finir là-dessus, par rapport à Kaguya, excusez-moi, donc le tracé, le trait de Kaguya, c'est bien sûr donc la présence de graphique de Tanabe Osamu, cet animateur qui a travaillé sur Jeux d'hiver aussi, qui est très, lui est très doué pour ça. Il a vraiment un talent particulier dans ce. Il y a un sens du tracé qui n'appartient qu'à lui. L'enjeu sur ce film, c'était de travailler à des images imparfaites. Comment est-ce qu'on crée des images qui ne collent pas, qui ne s'inscrivent pas dans une vision préétablie d'une forme de perfection au préalable. Et donc, comment est-ce qu'on garde cette nature-là, comment est-ce qu'on garde des zones blanches, des zones d'imperfection Monsieur Oga, par exemple, travaille dans une démarche qui est souvent très minutieuse, il est très sensible. Il veut aller dans le détail, il veut être juste de manière minutieuse. Et moi, j'étais obligé de lui dire, là, on s'arrête, là, c'est bien. Il ne faut pas rajouter quoi que ce soit par rapport à ça, ça suffit. Et donc, monsieur Nakata vous a donné un ordre de grandeur, vous avez voulu prendre les collègues. Prenons notre collègue. Alors, vous avez ce cahier, les images du film ont été dessinées sur un format plus petit que ce cahier. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça nous permettait d'une part ensuite, c'est vous être agrandi, vous avez vu la taille de l'écran, n'est-ce pas ? En travaillant cette petite taille, il y a une limite dans la minutie qu'on peut avoir par rapport effectivement, à l'image. Ensuite, effectivement, dans l'agrandissement permet de restituer une forme de contingence, une dimension donc, qui n'est pas strictement délibérée, mais qui vient du hasard du trait de la plume. Et donc, c'était une manière de garder cet aspect de contingence, avec des visages dessinés petits comme ça, lorsque vous les agrandissez, ils portent quelque chose qui n'est pas strictement inscrit dans une forme de perfection préétablie, précalculée, délibérée, ou voilà. Ce que tu dis, c'est que その不完全とは言いながらです。とは言いながら、やっぱりそのバランスを取るのはその、試行錯誤というのはその、はい、やっぱり見てですね。結果を見てそれで修正を施さなきゃいけないところは修正を施したり書き直したりすることはよくありました。で、要するに計算とそのそういう偶然と両方とが必要である。で、ついでに言いますけど、セザンヌのセザンヌというそのフランスの大画家がいるわけだけど、はい、彼はそのたくさん塗ってないキャンバスで塗ってない部分がたくさんある絵が晩年になるほど多いんです、はい、でそれは塗り残しって日本では言いますけど、その場合、はい、でもこれはですねやっぱりその今言った最後に言った偶然とそれからその何て言うか計算のバランスの上に成り立ってるんですあれ。ということは非常にバランスがいいですよ。どんなに塗り残しであっても彼の絵は、でだから非常に遅かったって描くのが彼は。それはそのここの一つ色を置いたらそれとバランスを取るためにここを塗るとかっていうのはね、そういうやり方をしてたのに違いないと思うんですね。でだからしょっちゅうセダンのことを頭に浮かべました。映画を作ってるとき。 Et donc je vous parle de cette contingence, mais évidemment vous vous doutez bien que on s'en est pas remis au hasard pour faire ce film. Il y a eu ce qui relève évidemment d'un travail, d'un va-et-vient. Donc on faisait des tentatives, on essayait, on voyait le résultat. Ça marchait pas, on redessinait, on retravaillait. Donc tout ce qui est en jeu dans ce travail, dans ce film, c'est cet équilibre, ce va-et-vient, cette construction entre calcul et contingence. C'est-à-dire, quelle place on laisse à la contingence, comment est-ce qu'on lui fait prendre place dans un ensemble, comment est-ce qu'on refait les choses lorsque la contingence ne va pas dans le sens qu'on souhaitait. Et moi, ça m'amène à vous parler de ce peintre français, ce grand peintre, Cézanne. Vous savez que dans son travail, au fil des ans, plus il a avancé en âge et plus il a produit en nombre des peintures où il laisse sur le canevas, il laisse la toile blanche. Donc ce sont des images qui sont de plus en plus parcellaires. Il y a des zones, on appelle ça nous, on appelle ça effectivement des zones laissées vides, des zones laissées blanches. Et ces images-là, elles ont un impact tout à fait particulier, je vous les recommande vraiment. Elles sont basées sur un équilibre effectivement, où chaque élément a sa place dans un ensemble et les zones blanches qui sont laissées vierges ont aussi un sens tout à fait éclatant. Cézanne travaillait de manière très lente. Et moi, je suis persuadé que c'est lié au fait qu'effectivement, il avait une vision de sa toile où le moindre ajout à un moment donné devait porter conséquence sur le reste. Et donc, il s'agissait pour lui clairement de construire un équilibre. Et moi, j'ai pensé à lui et repensé à lui de manière très fréquente, très régulière au cours de ce travail. Et c'est pour vous dire qu'on était dans une démarche similaire, je pense, de construction, effectivement, d'un équilibre entre nécessité et contingence. Monsieur Takata n'est pas animateur. Oui. Il est réalisateur. Est-ce que c'est... Il y a un combat, mais... Enfin, amical, enfin voilà, je ne sais pas comment dire le terme, c'est pas forcément un combat, évidemment, entre un réalisateur qui veut aller jusqu'au bout, évidemment, de la vision qu'il a, et un animateur qui peut dire, j'aimerais bien plutôt une animation comme ça, et tenter de, finalement, de, justement, de remplir ces blancs, de remplir et de tenter autre chose. 田さんはまあアニメーターではないわけで、演出家としてそういうやっぱりアニメーターの人たちなどとの格闘というべきか、そういったやっぱり演出としてのその意図とアニメーターたちがこうやりたい、こう描きたい、塗り残しなんか残さないでやっぱり完全に描きたいとか、そういった趣向とのこうギャップ、あるいはその緊張、これはどのようなまあせめぎ合いやり方があったんでしょうか。 それは日本のシステムと関係があるんですけど、その非常にその強い権力を、絵を描かないとしてもですね、私は手に入れることができるんですよ、その日本のシステムというのは。おそらくアメリカなんか全然ないでしょう。その複数の人が寄ってたかって作るような作り方ですから、はい、アメリカなんか。でそれに対してこちらはその、その監督なら監督が言うことに対してはですね、できるかどうかは別として、はい、それを聞き入れなくちゃならないというのは基本なんですね、はい、もちろんその喧嘩をするけど、はい、だからそのついでに言いますけど、その、フランスの「その王と鳥」という作品をがあって、それに対して何、て言うかな、それの元のになったその「やみやみの僕」が僕が大好きだったんですけど、その「王と鳥」を作った時にそのために作った絵についてもっとちゃんとチェックしなきゃダメじゃないか、そのいくら年取ってもグリモーさんよって、こういうふうに僕は思いました。もっとその、介入すべきだった、 ね、はい、 その監督としてのいいものにするために、監督としての権限を発揮すべきだと思いました、はい、その要するにアニメーターに任せず、はあ、 いいですか、それ、 はい、はい、言った方がいいと思います、 はい、ありがとうございます。 Alors ça c'est lié au système japonais, système de, donc, de la production animée au Japon. Il se trouve que c'est pas du tout quelque chose qui se limite à mon travail à moi, c'est vraiment structurel. Dans la production japonaise, le réalisateur, le metteur en scène est en position de pouvoir beaucoup plus net, beaucoup plus clair, beaucoup plus assumé. Je pense que par exemple aux États-Unis, où souvent la réalisation est diluée entre plusieurs personnes, il y a plusieurs co-réalisateurs, etc. Là, vraiment, le réalisateur a un pouvoir de décision. Et après, que peut-être les gens n'arrivent pas à suivre, effectivement, en termes de. Ils n'arrivent pas à être en image, c'est toujours une chose. Évidemment, on s'est disputé, il y a toutes sortes de charmeries, etc. Mais mon autorité, l'autorité du réalisateur, elle fait sens. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qui donne sa cohérence au projet. Et donc, voilà, dans le contexte japonais, voilà, pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, le réalisateur dispose des moyens, effectivement, de faire valoir son point de vue. Et c'est ça qui est décisif dans la forme. Vous connaissez peut-être un film qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau, du conte de Paul Grimaud. Moi, j'ai été marqué quand j'étais jeune par la version antérieure de ce film qui s'appelle La Bergère et la Marronneur, film qui date des années 50. Et quand j'ai vu Le Roi et l'Oiseau, je vous en parlerai très franchement. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point Grimaud laisse la bride au cou de ses animateurs. Il s'en remet à eux. Une de mes premières réactions en voyant cette nouvelle version, cette version refaite du film, c'était de me dire, j'avais envie de l'apostropher, de dire, Monsieur Grimaud, voilà, aussi âgé soyez-vous, c'est légitime et ça aurait été mieux pour le film de faire valoir votre autorité de réalisateur, c'est-à-dire de vérifier plus précisément et d'exiger davantage de vos animateurs, de moins leur laisser de l'attitude. Dans la deuxième version. Dans la deuxième version, dans Le Roi et l'Oiseau. Ça, c'est la première, alors qu'elle est malheureusement dans une copie terrible, hein, puisqu'elle est probablement aux États-Unis, puisqu'elle est libre de droit maintenant. Donc, avec un anglais, les couleurs, je suppose. Moi, je ne l'ai pas vu, mais malheureusement, pas du tout les bonnes couleurs de l'époque. C'est pas La Roi l'Oiseau, hein, c'est vraiment La Bergère le Ramoneur. One Shin, oui. C'est American American One Shin. Oui, il y a une scène qui manque dans l'édition américaine, effectivement, le film a été coupé par les Américains. Voilà, c'est ça, qui est vraiment terrible, mais. Voilà, c'était. Alors, le temps passe, j'aurais aimé poser des questions purement personnelles, parce que ça m'intéressait de savoir si dans les années 60, un réalisateur comme Takata se sent proche de gens comme Nagisa Oshima, qui est un réalisateur évidemment que j'adore, donc et je me suis dit, est-ce que voilà, il y a ça, mais. Bon. C'est peut-être aussi des choses très personnelles. J'aurais voulu lui demander, en fait, lui dire tout commence. そのフランスのシネフィルほどは日本の人に愛されなかったんじゃないでしょうかね、大島渚は。フランスのシネフィル。 大島渚は、その時点で、moins apprécié de ses concitoyens japonais que les cinéphiles français。 J'aurais voulu lui demander, évidemment, peut-être la seule question, j'ai posé deux questions, et après je vous laisserai évidemment la parole, on aurait pu rentrer plus dans son... C'est quoi que tu passes là? Dans son... Ça, c'était le retour des Trois Soulards. C'est un film qui s'appelle Le Retour des Trois Soulards de Nagisa Oshima. Ah oui, d'accord. Voilà, on aurait pu passer évidemment plutôt sur le parcours, évidemment, de M. Takahata dans les années 60-70. Je vais passer les images pendant qu'il va répondre. Notamment pour Panda Copanda, j'aurais adoré évidemment pas parler de ça, mais je vais vous laisser évidemment bien sûr la parole. Une petite chose, comment quand même on rentre dans les années 60, alors peut-être ça va être un peu long, dans l'animation, comment on se donne Un jeune Isaac d'Agassa d'un seul coup. Hein? En 59. En 59, voilà, ben merci. Se décide de rentrer dans le cinéma d'animation. 50年代の終わり、60年代の初頭にどのようにしてアニメーションの道に入るもんだったんですか。 あ、ちなみにちょっとさ、お正月で好きな作品はもちろんあります。 はい。 なるほど。それは何本か。何本か。 Oui, je me permets de vous préciser que pour moi, dans le cinéma d'Oshima Nagisa, il y a plusieurs films que j'apprécie aussi. それで、どうやって入ったかっていうのはですね、偶然です。はい。というのは、その、僕は映画は好きでした。で、フランス映画をたくさん見てました。しかし、そのエクストラなんかになったりすることも含めて、あの撮影所に見学に行ってたら、とても自分はこんな仕事はできないと思って、行ったりして、はい、自分はエクストラもやったけど、でもあの、とてもこんな仕事はできないなと思って、もう映画に入ることは、3年生ぐらいの時はもう、全然入るつもりはなかったですね。ところがですね、その好きだった映画の中の一本として非常に大事なものがそのヤムヤムの暴君だったんですよ。で、その偶然だっていうのは4年生っていうか4年生の2回目の4年生なんだけど、その求人広告の中に東映動画っていうのがあった。それで、アニメーション映画を作る面白いんじゃないかと、その時に思ってですね、それを受けたらまあはい、 入ったと。 で、入ったからやってるんであって、もしもそういうその求人がなかったら多分進んでないと思うので、偶然としか言いようがないんです。ただもう一つ言えるのは、でもやむやむの僕も見てなかったらやっぱりやらないです。ディズニーでしか見てなかったらやってないと思います。 はい。エクストラはちょっと確認します。学生時代にその先ほど の暗黒なんとかじゃなくてまたね、 またね。 Alors, comment est-ce qu'on rentre dans les animés au tournant des années 60 ? Moi, pour vous parler de mon cas précis, je vais jouer la carte de la contingence. C'est-à-dire que je suis rentré dans ce métier un peu par hasard. Alors, par quel hasard ? Moi, j'étais cinéphile, j'appréciais beaucoup le cinéma, j'étais vraiment passionné par le cinéma, je voyais beaucoup de films français. Et dans mes années étudiantes, j'avais visité des studios de tournage au Japon, j'avais fait un petit peu aussi de la figuration. Cinéma, et je me disais, mais ça c'est pas possible, etc. C'était, pour moi, c'était à l'époque où j'étais en troisième année à l'université, déjà, en gros, pour moi, c'était pas un chemin dans lequel il était possible pour envisager pour moi d'entrer. La préférée, c'était pas pour moi. Et c'est alors que, en fait, je vous parlais de La Bergère à la Bonheur, c'est alors que le film de Grimaud, c'est la vision de ce film qui a été un de mes premiers tournants. Ça, c'est une chose, j'ai découvert ce film qui m'a passionné, effectivement, voilà, j'ai découvert autre chose que la production Disney. D'autre part, j'ai redoublé ma quatrième année d'université, et lors de ma deuxième quatrième année, si vous suivez bien, je suis tombé par hasard à l'université sur une annonce donc, de recrutement de la compagnie Toei, qui cherchait des assistants metteurs en scène pour son studio d'animation. Et donc le fait d'avoir vu cette annonce m'a fait choisir de postuler, et j'ai postulé, j'ai passé des examens d'entrée, des entretiens, et j'ai été pris. Et si je n'avais pas été pris par Toei, je pense que je n'aurais pas cherché plus loin dans le cinéma. Et si j'avais pas vu La Bergère à la Bonne Heure, je pense que même si j'avais vu l'annonce de Toei, si j'avais vu les films de Disney, j'aurais jamais pensé, là il y a quelque chose à faire peut-être dans des animés. J'aurais jamais eu l'idée que voilà, pour moi il y avait quelque chose à explorer de ce côté-là. Donc ça, c'est quand même une série une cascade de coïncidences qui font que voilà, je suis plus heureux dans un studio de dessin animé. On remercie la personne qui a mis l'annonce. Vous avez vu des images de l'exposition Panda Panda qui était assez étonnante au musée Ghibli tout à l'heure. Vous avez vu des images d'Heidi, de Hoss, pas mal de choses. Voilà. Et c'est le moment difficile, mais il faut le faire. Il faut que je vous laisse la parole. C'est dur, mais je vais le faire. Je vais demander peut-être un micro. Merci. Un autre micro, est-ce que. Sinon, est-ce qu'il y a des questions forcément dans la salle? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Votre présence est un soutien à ce festival. Quand on est passé, tout est très haut. Non, c'est le seul. Nous avons la chance d'avoir un éminent représentant d'un cinéma d'animation. Nous apportons アニメーション映画の大きな国の代表的な方に会いするということで、少し調べるわけです。こちらどの程度情報が出てくるか、どの程度デマか教えてください。 Le vent faisait que c'était un film et qu'il quittait le cinéma d'animation. Donc il restait. Bah, Miyazaki s'en était. Et puis après, j'ai entendu que même le studio Ghibli allait s'arrêter de faire le cinéma d'animation. 続けていただければと思います。 フランス行った時にいろいろ聞いたので、ちょっと確認させてくださいということです。 そうですね。 実情。 ちょっと実情ですね。宮崎駿が引退表明をしたのはもちろん事実ですね。 はい、 で、それは世界的なその話題になったわけですけど、 はい、 で僕自身は、まあ、っていうか映画監督っていうのは引退表明はしないもんなんで普通、 はい、 そうだから、私はしませんと、はい、別にそういう、はい、もう本当に作るかどうか分からないけど、 はい、 でそれが一点ですね、 はい、 で作りたいかと言われたら作れる気力やお金の力やいろんなものがあればそれは作りたいものはあるわけでその作りたいと言いますけどしかし実際に作れるかどうかは全く分かりません、うん、それそのジブリに関して言うとですね、長編は作らないけれど、これはでも大抵そのお金から言えばどうなるのかな、赤字になる可能性がある、その美術館でしか描けないその作品をですね、宮崎駿は作ると思いますね、 はい、 短編です、 はい、 でしかし彼が それは別に赤字じゃないですよね、 赤字じゃないけどまあ、はい、そうですね、赤字とは言い難いね、どういうこと か、はい、 どうい う ことか、まあ、 はいはい、そこまでじゃ あ、はい、 あの、le fait que Miyazaki ait déclaré, une conférence de presse, déclaré son départ à la retraite, son retrait du long métrage, bon, ça c'est une donnée factuelle, effectivement, ça relève de la réalité, ça a fait une sorte de sujet apparemment dans l'actualité mondiale à un moment donné, un instant de thé. Maintenant, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples en tête de réalisateurs de cinéma qui, et j'ose dire, qui partaient à la retraite. Apparemment, ça ne se fait pas. Oui, parce qu'il y a un réalisateur de cinéma qui c'est pas un métier où il dit voilà, maintenant j'ai l'âge, j'ai cotisé, j'ai mes points, donc je pars à la retraite. Moi, je ne sais pas si je ferai un film à l'avenir ou pas. L'avenir n'est pas écrit. Si on me demande effectivement si j'ai envie de faire un film, à supposer qu'un certain nombre de conditions soient réunies, d'abord, moi j'ai l'énergie de le faire. Que les budgets, les conditions financières soient réunies et que l'ensemble de ces éléments nécessaires soient réunis, moi il y a des choses que j'ai envie de faire. Donc quand on me pose la question de cette manière, je dis oui, moi j'ai envie de faire des films. Ça veut pas dire que je vais pouvoir le faire. Ça veut dire que ces conditions vont être réunies. Très concrètement, je n'ai pas de. Comment dire, j'ai aucune idée sur le fait de savoir si le dernier film que j'ai fait sera le tout dernier de ma carrière ou pas, mais moi j'ai aucune intention d'annoncer un départ à la retraite. Vous voyez, c'est pas du tout mon optique. Maintenant, M. Miyazaki donc, a décidé qu'il allait s'éloigner du long métrage, mais le studio, donc, moi je sais qu'il travaille, s'il a des idées, des volontés de réaliser donc, des films de court métrage, comme il a déjà fait plusieurs par le passé, pour le musée Ghibli, donc des films qui ne sont alors, pas des grands projets pharaoniques qui sont distribués à travers le monde, mais des petits films qui sont montrés uniquement dans le cadre, dans le contexte local de ce musée à Tokyo. Alors, 宮崎駿は、引退するときにその高畑勲に、一緒に引退しようよと言ったけど聞いてくれなかったということを公にも言っております。でそれはその正しいんだけど僕それ聞いてくれないというのは僕は引退しないとかするとかっていうことを言いたくないということですね。 そうですね、 はい、それがもう一つ引退について言うともっとずっと若い60になったかなったのかなとにかく、ある雑誌で彼は 僕にその高畑勲を引退すればいいんだってことを言ってるんで、随分失礼な人だなと僕は思いました、彼に対して。 すればいいんだ、 はい、 それは誰が60歳の前、 いや僕が、60歳ぐらい、 60歳にもなってないのに、 60歳になったかもしれない、まあ、その日本のサラリーマンの定年と同じぐらいの感じ、ね、はいはい、 Alors, pour enchaîner avec quelque chose d'encore moins intéressant, M. Miyazaki, lorsqu'il a décidé de faire cette grande conférence de presse, il m'a invité me voir et il a dit faut qu'on fasse ça ensemble, puis avec moi, on fait nos déclarations de départ à retraite ensemble. Et moi, je lui ai dit, bah non, moi, je ne veux pas faire ça, quoi. Et donc, lui, il m'a confié pour dire, voilà, M. Miyazaki, lui, il a l'intention de continuer à faire des films. Moi, ce n'est pas ça. Mon propos, ce n'est ni de dire je pars à retraite, ni je veux faire encore des films. C'était pas de prendre un parti comme ça en oreille blanche, une position A ou une position non A. Pour moi, c'est voilà, les choses continuent naturellement. Et je me souviens, c'était peut-être à l'époque où je venais d'atteindre la soixantaine, enfin l'âge à peu près de la retraite pour les salariés au Japon également. Je me souviens à l'époque, il avait eu une déclaration comme ça, il dit voilà, Takata, il ferait mieux de prendre sa retraite. Alors, à cette époque, je me dis ah, quand même, comment dire, c'est pas le gars le plus poli, ce monsieur Miyazaki. Voilà. Ah, dis-moi, bon. Excusez-moi. Non, attendez, juste parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Parce qu'on ne m'a pas compris. Les studios Ghibli sont une machine à succès. Oui, mais. Est-ce qu'il va s'arrêter? D'accord. Les studios. Daisekou no tsukuru kikai nano ni nande tomaru to minna yu no ka. Ah. それ信じてないんだね。じゃあ、もっと事実言った方がいい ですね。それはだから、宮崎駿。僕は才能があると思いますが、しかしそれを十分その受け継いでいくような、ところにスタジオジブリというものが育っていないということを意味してたんじゃないんでしょうか、 はい、 でそれによって、今実際にですね、制作が解散してるんです、 はい、 で他のところに働きに行きますので、はい、で、ですからスタジオジブリ作品というのはこれからも生まれる可能性がありますけれど、その、作り方は全然違うでしょう、全然違うでしょうと言ったけど、実は、影姫の物語というのはほとんどジブリ以外の人で作ってるんで、すでにそのそういうジブリスタジオじゃないところでジブリ作品を作ったんですよ、私は、はい、だからこれからもそういうことは可能性としてはあるわけです。 はい、alors pour répondre factuellement, moi je suis persuadé du talent de M. Miyazaki, je le connais, je pense pouvoir vous l'affirmer, mais le constat de cette fermeture ou de ce départ à la retraite, ce que vous voudrez, par Wojtyla, c'est je pense que le sens profond de ce changement, c'est que la génération suivante n'a pas pu effectivement donc grandir dans la foulée ou dans les pas de M. Miyazaki. Le studio a fait différentes choses, ça n'a pas marché. On n'a pas de relève, il n'y a pas de relève au sein du studio pour prendre reprendre le flambeau. Bon. Factuellement, la section de production, c'est-à-dire la section où appartiennent les animateurs, les décorateurs, tous les gens qui travaillent au film, a été dissoute, les gens sont partis. Il n'y a plus de section de production au sein du Ghibli, donc les gens qui étaient là, nos animateurs, les décorateurs, travaillent à l'extérieur, ils ont trouvé du travail sur d'autres projets. Donc, il n'est pas impossible qu'un film estampillé du Ghibli sorte à l'avenir. Mais si jamais ça se fait, je pense que très probablement, ce film-là aura été produit de manière différente par rapport à ce que ça a été jusqu'à présent. Un mot de plus par rapport à ça, vous avez une idée du studio Ghibli qui est, en tant que structure de production, un film comme La Princesse Kaguya est produit par Ghibli, il est estampillé Ghibli, il a été réalisé dans une structure où il n'y a quasiment personne, en fait, très peu de gens, des membres réguliers, des animateurs du studio, à travailler sur ces films qui ont été produits très largement avec des membres extérieurs, avec des talents extérieurs. Et donc, moi j'ai déjà, on a déjà un exemple d'un film estampillé Ghibli qui a été produit en réalité hors du studio. Et donc, il est possible que d'autres films voient le jour de cette manière-là. Alain Abreu avait une question. Non. Oh, the same. Ok. Thank you. Alors, on va bouger. Please. Une question peut-être autre chose que sur Ghibli. Ça touche le Genjo Mirai. Si on va aller, vas-y. Juste. Que taille mon n'est-ce pas? First, we are honored. Thank you for being with us today. My question would be... Talk to the mic, please. Okay. Yeah. My question would be, what was the most difficult part in making of your film sequences? And also, I read that you that you studied French literature in Tokyo University. So why didn't we hear you speak in French? じゃあ2つです。質問はだから映画のそのシーンごとのを作っていく中で一番難しいこと、そして、東大で普通文を勉強されたそうですが、なんでフランス語で喋らないのかという 質問です。そうですね、先にそっちやるとその、日本の語学教育というのはですね、フランス、東京大学フランス、文学フランス語学科では会話の時間があったんですけれど、はい、その会話の時間というのが、午前の一番早い時間だったんですね。で、僕の生活習慣から言うとですね、その時はまだ寝ている時間でしてですね、全然会話をしないままになりました。で、 いいんですか？ それはしょうがないんですよ、本当、はい、本当のことです。はい、で、非常に恥ずかしい話でこういうことは言えませんが、しかし、日本の場合にはそういう学者はたくさんそれなりにいるんです。その 会話 できないんだけど、 はい、 その読んだり書いたりもすること ができ るん ですね、はい。じゃあまずそちらの方ですね。はい、should I translate that into English? I don't know. Oh, okay. To answer your first question, first, it has to do with the system of teaching foreign languages in Japan. When I was a student at Tokyo University and was studying French literature, I hope you will find that funny, but there were classes for conversation, you know, speaking French, but it was always the first hour in the morning. But at that time I was usually sleeping, so I didn't attend those classes, which means I didn't learn enough about speaking French at that time. But on the other side, and I'm sure and I know quite a lot of French of scholars, Japanese scholars in French literature, French language, at that time or even now, quite a lot of them are at ease with reading or writing French, but not with speaking, which is a completely different competence. And so I read French, I can write, etc. translate, but I'm not very good at speaking. Okay. Donc beaucoup de gens en fait, je vais traduire Hélène, beaucoup de gens en fait, qui juste pour les étrangers qui ne parlent pas anglais, beaucoup de gens qui parlent, hein, des étudiants, enfin voilà, des êtres comme ça, au Japon en fait, comprennent le français, lisent le français, ils ont du mal à parler, ils nous racontaient, je vais faire ça rapidement, une petite anecdote en disant que le matin en fait, les cours pour parler de discussions hein, qu'il y avait à l'université étaient le matin très tôt, et lui le matin très tôt, il était plutôt encore au lit, plutôt que d'être à l'université, voilà. はい、今質問続けた答えていいですか。 どうぞ。 そのシークエンスっていうふうに聞かれるのはですね、例えばその、アニメーションの場合特に多いと思いますけど、そのストーリーボード主義っていうのは、 はい、 正義っていうのがあって、その面白いシーンをこう並べていってね、でそれを取捨選択したり組み合わせたりしながらその物語を作っていくとかっていう方法をよく取るんですけど、その実際にですね、我々はですね、その我々っていうのは我々とは誰かってことがあるけど、 はい、 その 誰でしょうか。 宮崎も含めてですけど、はい、その僕なんかはですね、その頭からずっとそのコンティニューティー、うん、要するにその演出設計をしていくんです、順番に。 日本で結構普通じゃないですか。 うん、まあそうですね。 はい、 そのですからね、シークエンスとシークエンスをどうするかとかっていうんじゃないんですね。 頭から 最初からその、まあ、その非常に大げさに言えば、そのちょっと誇張して言えば、完成形を考えながら作っていくんですよ。 はい、 だから、その今言われたようなことを質問を受けても、一体どう答えていいか分からなくなってしまうんですね。その映画の出来上がりを想像しながら、計画を立てていくということです。 はい、そういう絵コンテの中でそういうシークエンスをこう、 はい、 Okay, so to try to answer your first questions about the sequences, I don't know, or the scenes, how to build the scene, what's the most difficult. There's a difference between the Western system of producing animation and maybe the Japanese one. In the West, most people, you know, one traditional way to do it is working with storyboards. And the meaning of storyboards is that you have the various people draw images that are boards that you can put on the pin on the wall, and then you discuss which scene should come after which other. Try to create a puzzle, tell your story using those elements, try to find a good order. In Japan, we don't work that way. As well as Mr. Miyazaki or myself, or lots of other filmmakers, we work on what we call a conte, which is a continuity. Which the director, the maker of scene, is the one who works on what is translated as storyboard, but it's not that. It's how you build the continuity of your story as one continuous flux, which when you think about it and when you try to draw it as an individual, is already a completed form of the film. So you think about what the film will take form as once completed, and you imagine that and you conceive it, and so you have a very clear image of what the complete film will be at that point. うん、大体それで、ですからね、ほとんど今度のかぐや姫の物語なんていうのはそうやって作っていってほとんどカットしないんですよ。まずその、 はい、 その場面そのものをカットしたのは一つもないです。全部あの計画通りつないでるんです。もともとの計画通りつないでるし、つないでる時にその要するにカット尻、カット頭っていうかな、 はい、 でそのシーンの頭と、まあ、シーンとかショットですね、あの英語で言うと、 はい、の中でちょっと 削ったりほとんどしてないんですよ。もう本当にあのほんのちょっとしか削ってないです、 はい、 だそういうことが可能になるわけ。そういうやり方で 可能ですね、はい、まあ、 でもともと貧乏症なんでね、 はい、 その安上がりに映画を作ってきたんで我々はあのそういうこういろんなことをやって選択するんじゃないですか、 はい、 いざ作画するときにはもうほとんど一つに決めてやるという、 はい、Okay, so yeah, and one characteristic, one specific aspect in our work, I believe, Mr. Miyazaki and mine, is that once we have finished that work on the éconté, on the visual continuity, on the drawn continuity of the film, we almost don't cut anything from that. Which means, for instance, for Kaguya Hime, there's no one single shot that has been drawn in the storyboard, that has not been done in the film, that has disappeared. I did a little, was to, at the level of one shot, maybe cut a little part at the beginning of the shot or at the end of the shot. That I did a little, really little. But once the drawn continuity is completed, we have already a plan for the completed film that we can share. And it doesn't change almost nothing to that. Why? Because I guess we are, both of us, used to work in quite harsh environments. We had to work on films in a very cheap environment, so we didn't try to explore several ways to build that continuity. We had to find the best answer for us or for ourselves, and once we had that best answer, we would go on, which means at the step when animators take the shot to animate it, we have already one answer. So I will be say sorry to Andreas Cicadu. We have a little bit late. Sorry, but we will begin. In 10 minutes, just one thing. Je vais déjà traduire quand même très très rapidement encore une fois pour finir le happening. Ilan, à l'Ouest, il y a une manière de faire le storyboard, le film qui est un peu différent. Souvent, vous savez, c'est les storyboards. Il y a quelqu'un qui fait en fait ces petites cases comme ça, on les met au mur et puis on décide, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et puis, comme il le disait, surtout aux États-Unis, on change un petit peu les storyboards, voilà comment ça va se passer. C'est assez différent. Au Japon, il y a ce qu'ils appellent donc comme disait Ilan, qui est une continuité. C'est vraiment dans cette idée de comprendre en fait le film dans ce flux continu et non pas forcément de manière complète, hein, et pas de la manière donc plutôt occidentale. Et ils ont une image très très claire finalement du film. L'une des caractéristiques qui se passe avec Monsieur Takahata et Monsieur Miyazaki, c'est qu'une fois qu'ils ont fini cette continuité, en fait, ils n'enlèvent rien. Il y a rien qui est enlevé. C'est-à-dire qu'ils savent que le film est comme ça. Et c'est important parce qu'en fait, ils ont été dans un environnement où on ne leur permettait pas forcément. Il n'y avait pas aussi beaucoup d'argent suffisamment pour d'un seul coup pouvoir développer plein de possibilités possibles. Mais on explorait en fait une seule possibilité. Et donc voilà, c'était, j'espère, Ilan, à peu près la traduction. On finit avec the last question, la dernière question. Moi, je voudrais juste revenir à la parenthèse de Jean Renoir. Oui, ah ben, allons-y. Renoir, Nimrod Haïti. Et essayer d'associer ça avec la vision occidentale de. Sur le temps, c'est occidental. Ah non, mais juste. Mais juste, non, c'est bien analyser la chose. Renoir, non. La plus simple, c'est que toute création artistique est au-dessus de la nature. そう、あの、芸術作品はやっぱり自然より上のところに La plus mauvaise pensée qui s'introduit dans une œuvre artistique est plus importante que n'importe quelle création naturelle. Ça, ça a été un peu l'approche de Hegel. Je voudrais savoir un peu comment vous vous placiez, pardon. Hegel. 哲学者のヘーゲルがだからどんな芸術作品の中のどんなあのつまらない思考でも自然より上だと主張しているわけです。 Je voudrais savoir un peu comment, en tant que artiste japonais, comment vous placez par rapport à ce concept. Est-ce que la question moins d'importance que la pensée humaine dans la création artistique de façon générale chez vous. Merci. その本ですから僕はその、全然そう思わないというかな、その、はい、それヘーゲルであれリーグとかなんかっていう人もいるよ、 あ の美学者で、はい、ドイツ の、まあ、とにかく それは反対ですね。それはやっぱりあの人間を一番上に置くその、宗教とか関係なんじゃないかと僕は思いますが、 はい、 その日本が人間が一番上でどうだっていうようにその人間が作ったものが一番上というふうに思う。日本ではそんなことないです。自然の方がずっといい。あのただ自然だけでは暮らせないから、 はい、 であってその自然そのものに対する愛情崇拝その他は非常に強いわけで我々は、はい、そのいやその割にですね今自然破壊をしてるんで日本で、 そうです。 その何とも僕としてはあの、辛いですけれど、 はい、 しかしあの基本的にはそうなわけです。あのなんていうかな、その西洋のような人間中心主義じゃなくて、 はい、 その、 はい、 はい、 わかりました。 Alors, sur cette conception de l'art, cette conception hegelienne ou hegelienne, pour parler spécifiquement, moi, c'est pas du tout la logique dans laquelle je m'inscris. Je suis absolument, comment dire, opposé à ces approches, ce qui consiste uniquement à mettre l'homme au centre, c'est-à-dire la pensée humaine, la présence humaine, au-dessus de tout le reste, ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas pour chez nous. Évidemment, donc il y a, vous le savez, dans l'histoire de la pensée japonaise, une forme de culte de la nature, de vénération à l'égard des pouvoirs naturels. Et par ailleurs, évidemment, vous savez aussi qu'aujourd'hui, les Japonais détruisent la nature de manière relativement conséquente. Mais comment dire, c'est une approche, je pense, qui est liée aussi, une vision qui a quelque chose à voir, qui a partie liée avec un certain nombre d'éléments d'ordre religieux. Les monothéismes. En question, que ce soit chez Hegel ou les autres, place l'homme effectivement au-dessus du reste. L'homme est au centre de l'univers, l'homme c'est le plus important, le plus achevé, le plus merveilleux, tout ce qui arrive. Et ça, évidemment, nous, on n'en est pas là. On n'est pas dans cette logique-là, on n'est pas dans cette perception du monde. Et donc, voilà, on est foncièrement dans une autre vision des choses. Alors, M. Galé me permet gentiment, juste, je suis désolé, on va juste finir avec un mot sur, parce qu'on est arrivé avec la musique de M. Hisaishi, on va partir aussi avec la musique de M. Hisaishi. C'est pas M. Hisaishi. C'est Mikhailo Kazumi. Pour la chanson, voilà. Chanson et on va partir par contre, pardon, excuse-moi, donc, merci de préciser, mais sur la musique de Hisaishi. Juste comment s'est fait très rapidement le travail sur Kaguya avec Hisaishi sur la musique. そうですね、歌、最後に流れた歌は二階堂さんですが、それは僕が彼女のアルバムを聴いて非常に優れた人だと思ったんで、お願いしたと。で、中で歌われてるなんていうかわらべ歌みたいな、その実際に声を出してその主人公たちが歌ってた歌の作曲は実は僕です。作詞もほとんど僕です。でそれからあとは久石さんにお願いしました。で久石さんとの関係というのはどういうのかというと、 風の谷の直しがあった時に僕はプロデューサーだったんです。で、久石さんを起用して非常に良かった。でその後宮崎とのコンビがずっとできた。で、その次のその、でその直しかと、それからその次のラピュタ、ね、のその音楽の設計、どこにどういう音楽を入れるかっていうのは僕がやってるんですね。それからその後もいっぺんやりました。魔女の宅急便まで、その僕が。でそういう関係でその久石さんとはずっと友達です、はい、でした。でだけど僕は一度も頼んでませんでした、彼に。なぜ頼まなかったか。で彼をの対してその映画音楽の作曲家として非常に高く評価してました、僕は、はい、していたけど、せっかく宮崎とのコンビがあるのにね、その僕その同じスタジオジブリで作ってるのに、そのまた僕がその彼と組むっていうのはつまんないと思ったんでやめていました、はい、で最後に今度お願いしたのは、まずその非常にこうちょうどいい人が見つからなかったっていうのも一つ大きいですけど、それで最後ですかね、宮崎駿は最後だと言ってたし、はい、で同時に封切るはずだったんですよ最初は、はい、だからその2つを彼にやってもらうなんてことはもともとありえなかったんだけど、その時期がずれたんで、その初めてそのお願いしたと、 はい、 で彼自身も実は高畑といっぺんやりたいと思う、まあ、かなり前からですけど、思っていたんですね、はい、ですからそれが一致して、はい、頑張ってやってくれました。 はい、はい、ありがとうございます。 Alors, la chanson que vous avez entendue là, qui est la, le générique de fin du film, c'est une chanson composée, écrite, chantée, et composée pour les paroles aussi par madame Mikai Yokazumi. C'est une chanteuse au Japon qui n'est pas parmi les plus connues, mais moi je connais son travail depuis assez longtemps et je connais plusieurs albums et je trouve que c'est une chanteuse tout à fait remarquable. Donc je lui ai demandé, on lui a demandé de composer cette chanson pour le film, qui est magnifique, je trouve. Ensuite, dans le film, il y a plusieurs chansons, il y a deux chansons qui sont des chansons d'enfants, des comptines. Qui en réalité, en fait, dont en réalité j'ai composé la musique et j'ai composé les paroles également. Et pour le reste, c'est M. Siachi. Pour vous dire ce qui nous a amené à travailler sur ce film ensemble, moi j'étais producteur sur Nausicaa de la Vallée du Vent de Miyazaki en 84 et sur Le Château dans le ciel en 86 avec Miyazaki, donc également comme réalisateur. Et c'est moi qui ai recruté M. Siachi en tant que compositeur sur ce projet. Donc, par la suite, vous savez ce qu'il a fait avec Miyazaki, le duo créatif qu'ils ont. Et j'ai travaillé sur l'Apta également, ensuite sur Kiki la petite sorcière en 89, sur la planification musicale. C'est moi qui effectivement ai établi sur donc, ces deux films le fait de savoir quel type de musique il fallait essayer de concevoir à quel moment du film. Donc j'ai travaillé assez étroitement avec lui, on est devenus amis, donc on l'est toujours, on est resté, mais je ne lui ai jamais demandé de travailler avec moi. Alors même que effectivement je suis tout à fait juste sur son travail. Pourquoi ? Parce que il se trouve que donc il est devenu donc un partenaire privilégié pour Miyazaki, et imaginez au sein du même Ghibli, donc moi je lui demande de travailler avec moi. Pour moi c'était une forme de, comment dire, c'était vraiment un peu bidon comme idée, c'est-à-dire qu'ils avaient ce partenariat, c'était bien de leur respecter, c'était légitime de les laisser effectivement prolonger ce chemin ensemble. Bon, il se trouve que sur ces projets-là, Miyazaki, donc, voilà, c'est Miyazaki Clavier qui sont dans les films. De mon côté, nous, on n'arrivait pas à trouver un bon compositeur pour le projet. Il y a eu différentes choses, tentatives. Les deux films devaient sortir en même temps, Le Vent se lève et Kaguya. Finalement, la production a été décalée. Si les deux films avaient été sortis en même temps, évidemment, ça n'aurait pas été possible de lui demander parce qu'ils ne pouvaient pas faire deux films en même temps. Il y a eu ce décalage en production qui a fait que c'était possible de lui demander. Donc, comme sachant que ce partenaire a créé avec Miyazaki prend une fin du fait de la retraite de Miyazaki, je me suis dit, là, je peux lui demander. Et lui-même, ce que ça faisait apparemment sa projet, il avait signifié clairement qu'il aimerait bien aimer travailler avec moi aussi. Donc on s'est retrouvé là-dessus, il a travaillé très dur, effectivement, et voilà les musiques, ce sont celles que vous connaissez. Alors je sais, je suis désolé, c'est frustrant, on aurait voulu passer plus de temps. J'aurais bien aimé évidemment vous poser plus de questions. Cet acte a été très bavard, donc c'est plutôt bien. Merci beaucoup à lui, merci à vous. Et vraiment merci à tous.